écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Charles-Antoine Rioux, voici, comment dire, la chronique du Club plein air UQTR. Ça, c'était moi ce matin qui marche dans la rue où c'est glacé. Ça, ça va faire... Oh, hi, ça va faire... Fiou! Ouais. Oh, wow! Ah, c'est la chronique du Club plein air UQT. Hey, oui, Chantoine. Absolument. Bon. C'est la dernière de la session aussi. C'est vrai, donc, c'est la dernière de toutes les chroniques, en fait. Ah ouais, tu reviens pas, toi, la semaine prochaine? Non. Faites-vous là, la semaine prochaine? Non. Non, ce sera un best-of de chroniques alimentaires pendant les fêtes. Ça va être le fun. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. Je pense que c'est une chronique qui est appropriée à la saison. Oui, absolument. En fait, c'était comme si on est vraiment la session finit aujourd'hui officiellement. Du moins, s'il y a des gens qui ont des examens après aujourd'hui, je les plains un petit peu. Parce que le calendrier scolaire finit maintenant, un peu maintenant, ce soir à 4h. Et puis là, on va tomber dans l'autre rush d'après de fin de session, c'est acheter des cadeaux de Noël. Oui. Et là, quand on connaît bien la personne, c'est relativement facile. On a des bonnes idées ou souvent on a des flashs tout au long de l'année. Mais si vous connaissez un plein airiste dans votre famille, donc une personne qui pratique du plein air, et vous voulez y acheter un petit cadeau et vous ne savez pas quoi lui acheter, ben je me suis dit que je pourrais faire une liste. Donc il y a un top 10, un top 7. Ouais, un top 7. Un top 7, OK. Okay. T'as manqué de doigts. Ouais, c'est ça. T'as manqué de place sur son petit carton. C'est le petit carton. Mais en fait, c'était pas tant... Le but, c'était pas d'avoir 10 items, mais c'est d'avoir différents items à différents prix. Ben oui. Donc, c'est vraiment... On va y aller graduellement, puis on va partir du petit cadeau à 5$ pour aller juste au gros cadeau à 100$ si jamais vous voulez vraiment investir pour la personne qui fait du plein air. Parfait. En même temps, on peut même essayer de deviner avec vous, ça vous tente de voir... Les prix ou... Non, les prix, je vais donner, mais le je suis bonne à The Price is Right. The Price is Right, c'est ça. Commençons par 5$. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter à un plénériste qui vaudrait 5$? À 5$. Des bâtons. Des bâtons. Une bâton Cliff's Bar. Ouais, c'est ça. C'est 2 ou 3 piastres, me semble. Ah oui, pour vrai. 5$. 5$. Puis pourtant, c'est quelque chose de très, très utile. Puis c'est pas une petite babilla, c'est pas une petite cochonnerie. Ah, OK. Ouais. Un petit carnet de bar Moleskine. Tu sais, ils sont chers, ça. Pour pouvoir faire prendre des notes de champignons. Notes, ouais. Des allumettes qui allument même quand ils sont mouillés. Non, ça, c'est bon. Ah, c'est plus cher, ça, en plus. C'est plus cher. Ouais, c'est plus cher. En fait, à 5$, c'est de la corde. Oh. On s'en rend pas compte, mais de la corde. Pas cher de même? Oui, parce que ça se vend au mètre. Puis ça varie entre 50 cents et 1$ le mètre. Ah, fait que tu y en achètes pour 5$. C'est ça. C'est comme quand tu vas t'acheter des bonbons. Exactement. Pour 5$ de bonbons. C'est en plein ça. Puis on s'en rend pas compte, mais de la corde, on réalise qu'on en a jamais assez. Que ce soit pour monter une bâche ou pour faire quoi que ce soit, c'est toujours utile. Faire sécher son linge. Faire sécher son linge, effectivement. Puis tout plénériste, en ce cas, que je connais, avec qui moi je pratique, on a toujours un sac de cordes, un sac avec plein de cordes de différents diamètres, différentes longueurs dans notre sac. C'est toujours utile. C'est vrai, ça doit pas être le même genre de corde si tu veux étendre ton linge ou pendre un ours. Non, effectivement, ou faire un piège ou... c'est ça. Ouais, on pourrait aller plus loin, mais on fera pas ça. On fera pas ça. Ça fait qu'il y a différents diamètres de cordes, puis tous les diamètres sont utiles. Donc, si vous avez juste un petit 5$ à mettre, allez-y vraiment pour un 5 à 10 mètres de corde, peu importe le diamètre, vous allez voir, ça va rendre la personne beaucoup plus heureuse que vous le pensez. Cool. Absolument. Si c'est un vrai. Là. Si c'est un vrai. Ouais. Si c'est pas un vrai, il va se remercier comme sur fake que ça va finir là. Super, une corde. Après ça, pour 10$. Plus, deux fois plus de cordes. Deux fois plus de cordes, c'est vrai qu'on pourrait. Puis, en fait, ça pourrait être pour 5 à 100$ de cordes, effectivement. Selon vos amis, tu sais. C'est ça. C'est toute la corde, mais de longueur différente. C'est comme jouer à la courte corde à la place de courte paille. Donc, 10$. Mais un classique à 10$. C'est pas bon. Deux sous-marins. un sac à dos pas trop cher. Un sac à dos à 10$. Pas trop cher, je vais vous sortir un indice sur la table. Une bouteille. Oui, remets tes culottes. Oui, une bouteille d'eau. En fait, la bouteille que les gens. Est-ce qu'on doit l'offrir avec l'eau? On peut, c'est pas nécessaire. Okay. Puis vous voyez bien que garder la corde peut servir à des choses aussi. Hein. Ah. Donc pour les auditeurs qui ne voient pas en onde, pour ceux qui ne voient pas en onde, c'est la classique bouteille Nalgene. La compagnie Nalgene font des bouteilles dites incassables. Pour l'avoir testé, c'est pas tout à fait vrai, mais il faut vraiment être motivé pour réussir à la casser. Puis c'est une bouteille qui vaut 10$ et qui est... C'était les premiers à inventer des bouteilles qui coulaient pas dans le sac à dos, okay. Historiquement. Puis c'est vraiment, ça a révolutionné le monde. Beaucoup de compagnies en font d'autres, mais c'est la bouteille classique. Puis ça vaut 10$ et on en a jamais assez. Je pense que j'en ai 4. En fait, je dois en avoir 10, mais j'ai dû en perdre 6 dans ma vie. Donc, on en manque jamais. Puis c'est parfait aussi pour un énorme test d'urine. Absolument, un énorme test d'urine. Ou, ben, tu ris, mais les gens qui font ce camping d'hiver qui veulent pas avoir à sortir de le sac de couchage à moins 40 vont entraîner une vide. Oui. Puis tu fais pipi dedans dans ton slip. Puis ça, tu dors avec, ça tient au chaud. Clairement. Mais si vous le faites ça, par contre, achetez une claire. Parce que c'est, faut pas te tromper. Faut pas te tromper parce que quand il est de couleur, parce qu'il y en a de couleur, tu vois pas trop la couleur du liquide dans le dedans. Puis une fois qu'il est frette, ben tu vois pas la différence. Mais j'imagine, tu dois avoir tout le temps la même bouteille pour ce genre d'activité-là. Oui, idéalement, tu varies pas. Tu finis par reconnaître ta bouteille. Ben, c'est à cause des fois, quand tu fais pipi là-dedans, des fois, ça crée une petite mousse sur le dessus. Oui. Puis tu apprends pour ta Coors Light. C'est ça. Mais c'est rare que tu vas faire ça avec un litre. C'est rare que tu vas avoir un litre de pipi d'une shot. Il y a parle pour toi. Et tu sais, pour dire qu'ils en font des glow in the dark aussi. Donc, si jamais. Du pipi, ça, ou non? À la bouteille. C'est ce que tu bois trop de Monster. Maintenant, si on monte à 20$. Oh boy! Des allumettes! Des allumettes, c'est ça qu'on pourrait. Mais les allumettes qui marchent à l'eau et tout, ça fonctionne, mais c'est pas super efficace. Il faut vraiment se motiver pour l'allumer, même quand t'es sec. Ah, ok. C'est pas. Une bouteille de 2 litres! Ça pourrait, on mais on cherche. À chaque affaire, je pense. C'est ça, chaque chose. Un petit canif? Oui! Ah, bingo! Bon. Pour 20$, on s'en sort vraiment avec des couteaux de bonne qualité. Et le classique couteau, c'est le Pinel. Je sais pas si vous savez c'est quoi un Pinel. C'est des couteaux de bois, ça? C'est pas une maison de fous, ça aussi? L'Institut Pinel? Pinel, ouais, c'est Opinel. O-P-I-N-E-L, mais c'était pas loin. C'est des couteaux qui sont faits en France, en Savoie, puis c'est le couteau classique avec le manche en bois, des couteaux qui sont refermables. Ah, et ces couteaux-là, ils ont deux choses qui sont hyper importantes pour quand on veut un couteau pour faire du plein air. De un, il est rétractable, donc on peut refermer la lame pour pas se couper quand il est dans nos poches. Et la lame se barre, il y a un loquet. Donc quand il est ouvert, on peut le barrer pour pas qu'il nous referme sur les doigts si jamais il y a un mouvement. C'est quand même pratique. C'est très utile, en fait. Pour 20$, on s'en sort. C'est quand même très joli. C'est un manche en bois, c'est très authentique, c'est très, très beau. C'est vraiment... Ça encore, on n'a jamais assez. Je pense que j'en ai une dizaine différents à la maison. T'en as perdu combien là-dessus? Quand même beaucoup aussi. Mais c'est bon pour gosser plein d'affaires dans le bois, ça. Super utile. Puis même, comme juste couteau de poche de tous les jours, c'est assez intéressant. Moi, je connais un couteau pour gosser le monde. Hein? Tu fais griller des guimauves. Ouais, faire ton petit bâton, enlever ça, enlever l'écorce. Si tu veux planter un pieu dans un ours. Ouais, si ou éplucher une orange, tu es un vampire. Ça peut faire vraiment plein d'affaires. Tu es un vampire, quoi. Tu es une orange, éplucher un vampire. Et ça, on augmente de 10$ encore pour 30$. Si vous avez un petit 30$ à mettre pour un plénériste. Hey, là, c'est dur, là. On est vraiment excellent à ce jeu-là. Non, ça doit être plus cher. J'allais dire un petit poêle, là, tu sais, qui se transporte. Ouais, c'est plus cher. Là, c'est plus cher. Peut-être, il me semble que c'était pas... Des capsules pour assainir ton eau. Ah, c'est ça, bon. C'est autour du 20$ aussi, par contre, mais ça peut être une très bonne idée. Ben, t'en achètes 1,5. Ouais, 1,5, c'est ça. L'autre fois, c'était assez dispendieux, la nourriture séchée ou... Oui, c'était assez dispendieux, puis souvent, c'est dur un peu de choisir, parce que les goûts, faut vraiment connaître les goûts de la personne, puis honnêtement, elles sont pas toutes bonnes. Faut les connaître un petit peu. Pour 30$, c'est le classique de Bonne Noël ces temps-ci. C'est vraiment la lampe frontale. C'est quelque chose que... Hey, je m'en sers tout le temps, mais j'en ai une chez nous, mais je m'en sers tout le temps dans la maison. C'est tellement pratique. Ça peut être utile n'importe où. Si vous essayez de réparer votre plomberie en dessous de l'évier puis c'est brisé, mais, ou peu importe pourquoi, juste avoir de la lumière puis les mains libres, c'est utile tout le c'est temps. Magique. Puis encore une fois, on n'en a jamais assez de ça. Fait que même si la personne en a déjà une, elle va être contente d'en avoir une autre pareille. Ou d'une autre couleur, parce qu'il y en a plein de belles. Ou différentes sortes, parce qu'il y a différentes forces aussi. Il y en a qui éclairent pas trop, puis il y en a qui vont t'aveugler pendant une demi-heure. Tu peux aveugler ton ours. Oui, ton ours, c'est ça. Ou ton vampire. Ou te prendre pour une voiture quand tu marches sur le bord de la rue le soir. Tu peux vraiment écœurer. T'es frustré des autres, mais tu te manges des gens. Mais ça, c'est vrai que c'est pas nécessairement facile de parler avec quelqu'un quand t'as ça dans le front. Oui, effectivement. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut développer un réflexe de toujours la baisser ou de la tasser. Moi, ou de pas fixer. Non, c'est long avant de l'avoir. Puis à cette heure, ils font même des lampes frontales qui ont un œil magique. Donc, s'il fait noir, elle éclaire beaucoup. Puis dès qu'elle rencontre la lumière, donc si deux personnes qui ont une lampe frontale se regardent, ils vont diminuer tout seuls. Mmh. Ouais, c'est assez... À la base, c'est inventé pour les grimpeurs qui font de l'escalade de nuit. Quand ils regardent directement la paroi, à cause de la force du geste, c'est très très fort, donc ils veulent que ça diminue. Ouais, contrairement, quand ils levaient la tête pour voir au loin, ça augmentait. Mais ça a plusieurs résultats. Ah, c'est cool. Ça c'est bien. Donc, toujours autour de 30$, c'est quand même un très très beau cadeau. Hein. Faudrait qu'on achète un au chevreuil. Oui. Ceux qui traversent la rue. On les verrait. Ça ou les petits de brassards. réfléchissant pour les coureurs. On doit tout en mettant tout au départ. On sait qu'on n'a pas encore fait. Ben oui, je sais. Et qu'on est là. Eh, pauvre cheval. On les néglige. Maintenant, ça monte à 50$. Donc, on est rendu vraiment une personne qu'on aime bien. Là, je pensais que tu étais rendu à 39,99$ la paire. Moi aussi, j'essayais de mettre l'étiquette. Parce qu'il écrit ça sur un coupon de manteau, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est sur un coupon de un vieux coupon de bâton de randonnée. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est-tu des bâtons de randonnée? Non, on est un peu plus cher. C'est à 50$. 50$. Ah, c'est pas facile. Tu l'avais eu tantôt, Steph. Tu l'as mentionné tantôt. C'est quoi, j'ai dit tantôt? Qu'est-ce que t'as dit? Les mettre. Un peu après ça. C'est quoi, j'ai dit? Ah, oh, le petit four, le petit... Oui, le petit réchaud, ouais, exactement. Donc, pour 50$, on a des petits réchauds qui sont hyper compacts. Puis une personne qui va faire de la randonnée ou du vélo, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est pas très gros. En fait, c'est vraiment... C'est littéralement plus petit qu'une bouteille d'eau avec le réchaud, incluant la canette de gaz ensemble. Okay. C'est assez fort pour plusieurs repas. Donc, ce serait que juste pour faire bouillir de l'eau pour les rations qu'on a goûtées à la dernière chronique, ou même juste pour se traîner du bouillon, un peu de bouillon pour se faire du bouillon chaud à randonnée, c'est super utile. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment que c'est plus pour la personne qui est un peu plus aguerrie. En même temps, c'est une personne. Si vous êtes prêt à mettre 50$ pour le cadeau d'une personne, c'est qu'elle est proche de vous. Elle est proche de vous, c'est ça. Et qu'elle va partager le bouillon avec vous. Absolument. Elle va vous en faire tout le temps. T'sais. Puis c'est fun parce que tu peux en faire n'importe où, dans ta cour, à l'école, peu importe. C'est super compact. Dans la salle de bain. C'est ça, de bain. Prendre ton bain avec un bon bouillon chaud, ben c'est oui. Meilleur que ça. C'est réconfortant. C'est ça. C'est ouais. Puis encore là, faut connaître la personne parce que acheter un poêle, une personne qui pense pas tant s'en servir, c'est un peu dommage. Ouais. Mais si vous êtes prêt à mettre 50$, puis la personne tient vraiment, vous savez qu'elle va s'en servir, c'est quelque chose de super intéressant à avoir. C'est bon, cool. Moi, ça me rappelle, tu sais, les grills, mettons, pour faire des bagels, n'importe quoi. C'est George Foreman qui fait ça, ouais. Hein? George Foreman, les grills de George. Moi, je pense qu'on devrait faire au Québec. Norman Bratois devrait s'arranger pour faire un beau réchaud. Comme beau et chaud, mais oh un beau réchaud de Norman Bratois. Beau réchaud. C'est chaud. Tu devrais brofter ça parce que ça vaut de l'argent dans mon dé. Merci. Hein. Je sais même pas comment il est allé jusque-là. Je sais pas. Et bien, il nous surprend tous les fois, Mathieu, avec les liens qu'il fait. Incroyable. Ouais, merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'était le numéro 5. Il en reste 5. 2 au top 2 7. Donc à 75$. Donc, 75$. Sac de couchage? C'est plus cher que ça un petit peu habituellement. Un sac de couchage cheap? Ouais, on pourrait, absolument. Un matelas qui se gonfle seul. Ah, ça, effectivement, c'est autour de ces prix-là. C'est pas l'idée que j'avais en tête, mais ça pourrait être une très bonne idée. Hein. Bon, ben moi, je veux ça. OK, vendu. Sinon, l'autre idée, c'est des guêtres. Je sais pas si vous savez c'est quoi, des guêtres. Des guêtres. Non, des guêtres, j'en veux pas. Ça serait comme des guêpes. Comme l'insecte, mais tu remplaces le P par le T. Ah, c'est guêtre. Ah, il y a un R aussi. Il y a un R aussi. Pas une guêtre. Guêpre, t'as raison. Guêtre, oui. Ben, comment on dit une guêtre? C'est quoi? Un guêtre, en fait, c'est un morceau de tissu imperméable qui forme un peu un tube, mais qui a un velcro tout le long. On s'en sert pour envelopper les chevilles. Dans le fond, quand on marche l'hiver, tu sais, il y a toujours un problème en hiver, même avec un pantalon de neige puis une botte d'hiver, il y a toujours un espace entre les deux que la neige peut rentrer. Ouais. Mais le guêtre, elle vient envelopper la cheville à ce niveau-là, donc ça empêche la neige de rentrer, même dans la neige profonde. Ah. C'est quelque chose qui est hyper utile, puis contrairement à ce qu'on le pense, ça tient beaucoup plus les pieds au chaud parce qu'il n'y a pas la perte de chaleur directement au-dessus de la cheville. Okay. Même si le boulevard des Forges, ce serait très utile avec les bandes de neige. Sérieusement, j'y mets tous les jours quand je vais marcher avec mon chien l'hiver. Puis je suis en ville, tu sais, oui, je fais la piste cyclable, oui, il y a un peu de neige, mais c'est tellement utile, tellement confortable. Le vent rentre pas là, tu peux piller où tu veux, puis t'es sûr qu'il n'y a pas de neige qui rentre dans ta botte, même si la botte est vraiment en basse. Tu regardes ton chien, tu fais comme, ah ouais, tu viens de faire ton besoin, ok, j'arrive, tu te dedans. C'est pas grave, ça ne me dérange pas, ça ne rentre pas ce matin. Exactement, c'est juste la semelle, c'est pas une. Pour ça, tu décolles ça avec un combien de 5 cents, c'est fait. C'est un petit défi de plus à toi et jour. Absolument. C'est assez dispendieux, mais c'est quelque chose qui est tellement utile, puis qu'on réalise pas, en fait, le plaisir de porter ça. Puis comme tu dis, Mathieu, même en ville, ça peut être super utile. C'est vrai. C'est comme un cache-cou de cheville. En plein ça. Donc le guêtre. Un cache-fille. Cachez vos filles. Mathieu Plante s'en vient. Cachez vos filles. Et le numéro 7 du top 7 qui est en fait le cadeau à 100$. Donc, une escorte. Comment ça, non? C'est juste, je sais pas ça coûte combien une escorte. Je sais pas. J'imagine que c'est le plus cher du palmarès. Ils vendent ça? Non, rarement des magasins de plein air. Un petit sac à dos. Ah, je peux pas faire ça gag là. T'as commencé. Ok, mais je l'ai averti à l'avance que c'est pas un gag de classe et puis c'est un gag que je retire après puis que je n'endosse pas les propos. Mais c'est que non, chez Atmosphère, ils vendent pas de Discord, mais ils en vendent juste à côté chez Fat Atmosphère où c'est des grosses femmes pour ceux qui ont le pantophalasmosphère. Oh mon Dieu. Je la retire, je l'ai pas, je l'endosse pas, c'est pour moi. Non, on a rien à tout. Tu entends quelque chose? Non, j'ai une question pour vous un peu hors sujet. Quand vos émissions sont en rediffusion, est-ce que vous coupez les bouts des fois? Non, mais je prends les meilleurs bouts, puis pendant que tu parles, je note l'heure à laquelle le gag a été fait. Pour être sûr de le repasser plusieurs fois. Tu vois, tu connais maintenant les secrets d'Assemblée. Oh, il texte pas personne. Mais non, je suis en train de noter l'heure. C'est très égocentrique, il prend des notes sur lui-même. Voilà, c'est pas se faire. Voilà. On disait 100$. Pour finir avec le numéro 7 du top 7, en fait, le cadeau à 100$ pour les parents qui veulent acheter quelque chose à leurs enfants ou pour, mettons, un ami ou un conjoint, conjointe que vous tenez beaucoup. Vous avez beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup un d'argent de tes conjoints, conjointes. C'est ça. C'est en fait un abonnement à Air Médic. Air Médic, c'est une compagnie québécoise de... C'est comme le CA des bois. Oui, exactement. Sérieusement, c'est un très beau comparatif. C'est une compagnie de transport d'urgence héliporté, donc par hélicoptère. Quand on fait du plein air, on se ramasse souvent dans la situation isolée où les voitures se rendent pas. Puis s'il arrive une urgence grave, avec le 911 ou dès qu'on appelle des urgences, on a toujours accès à ces services-là. Mais c'est très dispendieux. Avez-vous une idée combien ça peut coûter une évacuation en hélicoptère? Doit être dispendieux un hélicoptère. Ouais. Entre 12 et 14 000 $. Wow. Évacuation héliportée. Mais ça vient avec Dominique Carpin ou un autre reporter de TVA Nouvelle. À ce prix-là. Ça dépend, t'es où. Okay. Mais Air Médic, c'est une coopérative québécoise qui offre ce service-là, mais avec un abonnement annuel. Donc, pour 90 plus taxes par année, 90 $, donc autour de 100 $ par année, vous avez accès à ce service-là, peu importe où vous êtes où, et vous n'aurez pas à débourser les frais, jamais ça arrive. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est immensément utile. Puis, même si on fait juste des petits trips au parc de la Mauricie ou des places, dès qu'on sort un peu des sentiers battus puis qu'une voiture ne se rend pas, s'il arrive un accident grave, c'est la seule option. C'est quelque chose qui est super utile. Et c'est surtout pour les parents qui ont des enfants qui font plus intense et qui sont inquiets un peu des fois, ben c'est le meilleur cadeau pour, un, leur faire plaisir et, deux, vous rassurer vous-même. C'est excellent. C'est par année, donc? Par année. Par donc, année. C'est 100$ par année. Mais moi, si tu en sers une fois, mettons que tu seras dans ton argent. Oui. Ah, wow. Ah oui, c'est clair. Puis de toute façon, ça arrive une fois... Je veux dire, tu sais, tu le payes, là, le montant, là. Oui. Mais t'es dans la rue après. T'es en vie, mais t'es dans ça. La rue. C'est ça. C'est... Moi, je serais dans la rue. Toi, tu provoquerais des accidents, genre. Tu sacrerais quelque chose à quelque part pour. Ah, ben là, tant qu'avoir payé, on en profiterait. C'est ça. Puis un tour d'hélicoptère, je avec des capins. C'est ça, le laser. J'avais ma ride d'hélicoptère. Ah, wow. Donc, c'est tout pour le top 7. Oui, c'est pour le top 7, effectivement. Génial. Donc, le club de plein air ne sera pas actif durant le temps des fêtes. Mais non. Mais par contre, on revient en force à la session d'hiver. On a une des sessions les plus groupées en programmation, si je peux dire. Mm. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités qui s'en viennent. Surveillez notre page Facebook. J'aimerais aussi vous rappeler que notre site Internet n'est plus à jour et qu'on n'a plus accès pour le mettre à jour. Donc, même pas pour vous dire d'aller sur la page Facebook. J'en non, de marquer sur même pas pour pas, faire hein. ça. Donc, vous pouvez toujours le consulter. Il y a encore de l'information, dont beaucoup des chroniques qui ont été faites ici à Saint-Jean-Jacques qui sont disponibles en version écrite sur le site. Cool. Sinon, la page Facebook, c'est vraiment notre outil de référence. Donc, c'est Facebook, vous écrivez UQTAIR comme le club de plein air. Fantastique! Merci beaucoup, Charles-Antoine Rioux. Merci à vous, joyeuse fête. Oui, toi aussi. Aussi. Puis on se retrouve en janvier. Hein? Oui, absolument. Toujours. Fouf. Toujours. Une chance, hein, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est un bon top qu'il a fait, là. Vraiment un bon top. Ben, mais on se serait lancé en bas d'un pont dans le parc. On aurait rentabilisé notre abonnement. Faut pas oublier de s'abonner avant. Non. C'est pas appelé une fois rendu. Non, puis l'affaire, c'est que, mettons que t'appelles, t'es déjà dans la chenoute, tu peux pas t'abonner là, dans les services tout de suite. Non, c'est non. pas quelque chose qui... T'as un délai de... Ouais, mais ils sont comme pas tant ouverts à l'idée de t'abonner puis d'aller chercher là, comme dans la même journée. Ouais. C'est pas un taxi, ça, non? Non, mais tu rappelles 10 minutes après. Hé, hey, quel hasard! Hé, hey, ça tombe. Oups! Je rappelle du même endroit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Aussi belle que la tour Eiffel, en devenant tout. 30 minutes pour l'indépendance avec mon ami Jeff Veilleux et pour une dernière fois en 2014. Tout à fait. Salut, bon lundi, Danny. Salut à toi, ça va? Oui. Yes, beau week-end? Oui. Quand même? Quand même. Oui. Préparation pour la fin des examens qui se termine demain. OK. Session intense. Travaille fort, le Jeff. J'ai hâte à mes vacances. Tu vas bien les mériter. Mais quand je suis ici, je suis comme en vacances. Génial, ça c'est bon, j'aime ça entendre ça. Parce qu'on parle de sujets importants et de notre avenir en tant que peuple. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je vais te donner de l'espoir à toi et à nos auditeurs. Parce qu'en fait, je vous ai amené une compilation de citations indépendantistes. Okay. Puis on va faire comme un tour d'horizon à savoir qui est indépendantiste. Puis qui a dit quoi déjà là-dessus, là, okay. Dans les 50 dernières années? Génial. Donc, j'en ai en pu finir. Mais j'aime ça que tu arrives avec un côté positif. C'est comme, ouais. Ça n'a pas rapport, mais en fin de semaine, j'ai écouté un truc à Radio-Canada pour ne pas la nommer. Puis là, c'était les scientifiques qui parlaient avec le réchauffement climatique. Puis ils disaient, à un moment donné, les gens, on est tannés. Là, de savoir que ça va mal, on veut que les scientifiques nous parlent de solutions. Venez pas sur la place publique pour nous dire qu'on va mourir en 2050, que tout le monde va être mort. Non, non, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire là. Mm-hmm. Puis les gens vont avoir une ouverture d'écoute beaucoup plus grande que nous dire que c'est fini, puis c'est trop tard, puis que ça va pas bien. On veut de l'espoir. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Jeff. Ça passe mieux, je pense, les messages avec un peu d'espoir. Donc, Pierre Bourgault. Oui, grand Québécois. On m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce qu'un Québécois? J'ai répondu. C'est quelqu'un qui veut l'être. Quelqu'un qui assume le passé, le présent et l'avenir du Québec. Génial. C'est simple. Que dire de plus, c'est ça. Puis Bourgault, on se rappelle qu'il était chef du RIN à l'époque, au milieu des années 60. Puis il dit, au RIN, nos préoccupations portent dans une proportion de 50% sur l'indépendance et 50% sur la révolution. Il faut que l'indépendance s'accompagne de révolutions sociales dans le sens d'une amélioration profonde des cadres sociaux actuels. Puis ça, c'est toujours nécessaire aujourd'hui parce que ça n'a pas encore été appliqué. On vit encore... là, il y en a qui commencent à contester l'État-providence, c'est-à-dire que l'État est au service des citoyens. Mais là, on a besoin de renouveler notre démocratie puis notre modèle social. Oui, c'est ça. Les gens ont toujours peur du mot « révolution ». C'est pas mal, « révolution ». Ça fait pas nécessairement mal, mais oui, il faut penser autrement. Et dans le fond, la révolution, c'est une transformation radicale des mentalités. Exact. C'est pas nécessairement l'éradication totale de tout pouvoir ou de la bourgeoisie. Exactement. Bourgault encore, nous ne voulons pas être une province pas comme les autres. Nous voulons être un pays comme les autres. C'est fort. C'est bien. Il y a Pierre Foglia de La Presse. Oui. Je sais pas si tu savais, mais il est indépendantiste. Oui, un des rares à La Presse. Non, c'est pas vrai. C'est plus la direction qui est vraiment pas. Mais c'est sûr qu'il y a des journalistes qui sont très, très intelligents et puis qui sont bien indépendantistes. Mais lui, malgré ses origines italiennes, s'affiche là, carrément indépendantiste. Il a même fait un plaidoyer récemment envers PKP quand il est rentré dans la campagne électorale. Oui. Il a dit « Enfin, mon cœur d'indépendantiste se réjouit qu'un homme des affaires puisse... » prendre position, parce que c'est clairement son engagement électoral. Tout à fait. Pierre Foglia dit, ce qui est très grave dans ce pays, c'est par exemple qu'on y traite sciemment des gens d'antisémites pour les punir d'être séparatistes. Et ça, là, on est encore dans une logique trudeauiste où que on est des méchants. Mm-hmm. Hein, on veut... les libérateurs de pays, là, on veut les écraser. Mm-hmm. Ça n'a pas changé. René Lévesque, à l'Université de Montréal en 62. Si le fédéral nous empêche de reprendre notre pays, faudra ressortir nos vieux fusils. Ah, ce sacré Lévesque, temps que... Qu'il y en avait dedans. 20 ans plus tard, en 82, Lévesque dit « Cette horreur de constitution fabriquée sans nous, contre nous et dans notre dos, c'est le pays des autres. Mm-hmm. » On en est toujours là. Mm-hmm. On n'a toujours pas signé cette constitution. La nuit des longs couteaux. Oh, oui. Puis ça, d'ailleurs, c'est un terme qui fait référence à l'Allemagne nazie. Parce que la nuit des longs couteaux existait déjà là-bas. Et puis, c'est un concept qui a été appliqué. Qui a été repris. Ouais. La formulation était assez frappante. René Lévesque, toujours. Une société, pas plus qu'une femme, ne peut demeurer indéfiniment enceinte. Il faut qu'elle accouche ou qu'elle avorte. C'est fort, ça. C'est bon. La tâche des vrais démocrates est de voir à ce que le peuple soit de plus en plus au courant, instruit, renseigné sur ses propres intérêts. toujours René Lévesque dans cette optique d'éducation populaire qui l'animait en tant que journaliste. Et depuis le printemps érable, on retourne quand même à ça, à cet idéal de démocratie participative, l'idéal d'éducation populaire. Expliquer le projet. Et tous les intérêts que les citoyens peuvent avoir envers leur société, et non juste arrêter de penser qu'on est juste des quémandeurs. On est aussi des constructeurs. Bernard Landry, évidemment, lui, on connaît son penchant. L'Écosse et la Catalogne méritent leur place à l'ONU, tout comme le Québec. Ça, c'est évident. Sinon, Alberto Alesina. Oh, là, je ne connais pas ce personnage. Qui est directeur du département d'économie de l'Université Harvard. OK. Et qui a déclaré en novembre 2004... Sur un plan strictement économique, il ne serait pas difficile pour le Québec de devenir indépendant. Cela peut se faire à un coût très bas pour tout le monde et je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas. La décision est strictement politique et si le Québec veut se séparer pour des raisons linguistiques, par exemple, l'économie ne sera pas un facteur de la décision. Mais des petits pays comme le Danemark, l'Islande ou Singapour sont prospères parce qu'ils ont une économie ouverte. Il n'y a donc aucune raison pour qu'un petit pays ne réussisse pas. Ouais. Et nous sommes parmi ces petits pays qui se battent. Et puis c'est ça, puis c'est un gars d'Harvard, il sait un peu ce qu'il fait, il sait un peu ce qu'il dit. Et puis en fin de semaine, je sais pas si c'est toi qui avais mis ça, mais l'indépendance, tu sais, souvent les Québécois, même Elvis Gratton riait tout le temps, les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. Mais oui, eux autres, ils ont eu leur indépendance, les Américains en tant que tels. Fait que si vous tripez ces États-Unis, ben faites donc pareil. Ouais. Pour vrai, quand puis même. Et même qui ont été un grand modèle pour les patriotes du 19e siècle, parce que le modèle républicain des États-Unis donne plus de pouvoir aux citoyens. Si le gouvernement est trop corrompu ou va dans une ligne directrice à l'opposé des intérêts du peuple, les citoyens ont le pouvoir et le devoir de destituer ce gouvernement. Exact, ce qui est très, très bien, ça. Mais dans notre système monarchique canadien, c'est autre chose. Yves Michaud, un petit peu plus pessimiste. Une partie des gens de mon pays a préféré jusqu'ici le confort de la soumission au risque de la liberté. Oh, hein? Fernand Dumont, sociologue et philosophe, je crois que le pire défaut des Québécois francophones, c'est le mépris de soi. On commence un peu à s'en sortir, là, grâce à des groupes comme les Cowboys Fringants, Mes Aïeux, Loco Locas, qui revitalisent l'identité québécoise, heureusement. Ça me fait rire, je tasse un peu, je me promène aujourd'hui. Là. J'ai parti comme ça une page sur Facebook qui était producteur de IDM au Québec. Puis moi, j'ai parti ça justement, l'IDM, c'est l'Intelligence Dance Music, okay? C'est la musique électronique qui est intelligente. Puis là, ben, tout va bien, tout est très cool. Puis là, en fin de semaine ou la semaine passée, il s'est mis à avoir des gens qui mettaient des articles. Des fois, l'article, c'est sûr, s'il parle de son, il peut être en anglais, il n'y a pas de problème là. Mais là, dans le commentaire, plein de Québécois parlaient en anglais. J'ai dit « Non ». J'ai dit « Ça passe pas ». Puis au début, ils ne comprenaient pas. Mais là, c'est être fermé. Non, c'est pas être fermé. Des forums en anglais, là. Il y en a combien, puis combien un autre après, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une place où on parle et on s'exprime et on répond en français? Sérieux, c'est comme la base. Puis tu l'as dit, c'est le pire ennemi des Québécois, c'est les Québécois. Sérieux, on s'assume pas. Parce que sur 8 millions de Québécois, il y en a 7 qui parlent français. Exact. Il y en a 2 autres millions dans le reste du Canada. Puis il y a au moins 2 autres millions de francophones aux États-Unis. Puis il y en a 200 dans le monde, 200 millions. C'est ça, on peut s'adresser aux francophones? Exact. Puis c'est que là, il y avait un gars, il dit « Ouais, mais c'est producteur du Québec, il y a des anglophones au Québec. » Ben oui. Puis ils sont bienvenus, du moment qu'ils parlent en français sur le forum, il n'y a pas de problème. Puis le gars, c'est jamais les anglophones. Le gars, lui, a tout de suite compris. L'anglophone, il a tout de suite dit « Ben, pas de trouble, mais des fois, je fais des erreurs. » Hey, on s'en fout que tu fasses des erreurs. Puis ils savent parler en français, la plupart, là, ici. C'est juste qu'ils veulent pas. Puis de toute façon, on lui donne pas la chance. On va lui parler en anglais, puis on va se mettre à genoux devant eux autres avant qu'ils peuvent avoir la chance de parler en français. Moi, c'est pareil comme chez nous. J'ai fait des parties de famille, des parties d'amis. Puis un des conjoints d'un des gars, c'est un anglophone. Mais moi, je l'ai dit, j'ai dit « Chez nous, on parle en français en passant. » Parce que là, toutes les autres étaient rendus que tout le monde parlait en anglais pour une personne dans la maison. Ça démontre tellement notre caractère de coloniser, puis d'aplaventrisme à terre devant l'anglais. Ouais, puis les autres, ils se mettent une fierté. Ouais, mais moi, je sais pas. Hey, c'est pas de ça que je te parle. Ici, on est au Québec, puis on fait comme les Québécois, on est en français. Moi, je trouve que c'est la base. Mm-hmm. C'est la base comme quoi on s'assume pas, puis il faut le faire. Puis je passe tout le temps pour le chialeux, puis Mais en tout cas, moi, t'as raison. Mais c'est hallucinant pour vrai, hein, Jeff? Ouais. Je suis sûr que tu as vécu des situations pareilles. Là, en musique, là, c'est sûr que je m'astine toujours avec mes chanteurs pour un texte en français. Qu'est-ce que t'en penses? Ça tente pas, ça n'a pas pire. En tout cas. Régent Parent, ancien président de la CSQ, je crois. Okay. Le mal de notre société réside dans la fragmentation des intérêts et l'explosion des identités anéantissant au passage l'idéal de grands projets. Nous sommes dans cette fragmentation de la société et nous devons combattre pour la cohésion sociale. Bon, ben on est de ce bord-là. Jean Duceppe, oui. Grand homme de théâtre, je voudrais vous rappeler qu'à mesure que les semaines passent, à mesure que les jours passent, une évidence s'impose de plus en plus dans nos esprits. Avec une clarté lumineuse, le Québec est notre seul pays. Exactement. Son fils, Gilles Duceppe, mm-hmm. si les Québécois et les Québécoises ne bougent pas, d'ici 15 ans, inévitablement, on sera sur la même pente que les Franco-Canadiens et les Acadiens. C'est une assimilation fulgurante. On ne peut se cacher la vérité. Plus ça va aller, plus on va être minoritaire. Il faut donc devenir majoritaire dans notre propre pays. Mm-hmm. Ouais, je sais pas, ça ressemble à ce que je pense. Gilles Vigneault. Bien des peuples ont attendu 3 siècles pour obtenir ce qu'on a eu en 30 ans. Je dis que le Québec se fait tous les jours. Et ce n'est pas parce que la reine d'Angleterre n'est pas encore signée sur un parchemin qui dit qu'on est un pays qu'on n'en est pas un. Le Québec est un pays dans les faits. C'est une chose faite, mais qui continue de se faire tous les jours. Et ne le dites pas trop fort, il y a quelqu'un dont on ne veut pas qu'il s'en aperçoive et qui ne s'en aperçoit pas encore. Il doit parler du Canada anglais. Marc Labrèche, récemment, au Gala des Gémeaux, a fait une sortie aussi. Il a dit « Seigneur, donnez-moi un pays! » Mais je ne savais pas officiellement, mettons, qu'il était le Nice. Mais c'est bien qu'enfin, il y a du monde qui prenne la parole. Il n'y a pas honte! Ouais, non, en effet, c'est ça. C'est un pays, c'est supposé être un projet de fierté. Mais là. Oui, c'est une fierté, voyons donc. Dan Bigras. Oui. Un vrai projet de société, pour moi, c'est pas de savoir si une madame va porter son foulard ou non. C'est de savoir si on va finir par faire notre hostie d'indépendance. Denis Monnière, qui est un grand politicologue. Nous pouvons prendre la voie de la soumission et de la désintégration ou nous pouvons choisir de lutter pour la libération. À nous de choisir. Bernard Drainville, j'ai une petite série spéciale course à la chefferie. Excellent. L'indépendance est une idée vivante, moderne, pertinente au temps présent et qui répond aux défis d'aujourd'hui. Effectivement. Mm-hmm. Parce que depuis 140 pays ont choisi l'indépendance depuis 1945 et aucun d'entre eux ne retournera à leur ancien statut de dépendance. Aucun. Ben non, voyons donc. Un coup, ça va être fait. Même ceux qui y croient pas vont y croire. Monsieur Pécopé, l'indépendance du Québec doit se faire. Un peuple, une nation, est légitimement en droit d'avoir un pays. Puis ça, en fait, on répète ça depuis la Révolution française, là, mm-hmm. Le droit des peuples à l'autodétermination. D'avoir un territoire, exact. Ouais. Véronique Yvon, qui s'est décidée de la course à la chefferie, mais que je l'aime beaucoup, députée péquiste de Joliette, oui. Et qui avait tenu à bout de bras pendant 6 ans le projet sur l'euthanasie. Et qui finalement a été heureusement acceptée. Elle dit « Nous sommes là pour une cause plus grande que nous, à laquelle tout peuple normal devrait aspirer, c'est d'avoir sa pleine liberté, toute sa marge de manœuvre pour vivre conformément à qui il est, à ses valeurs, ses convictions et ses priorités. Cette cause, c'est celle de la souveraineté du Québec. » Je comprends pas que les gens comprennent pas ça. Regarde comment c'est sage comme phrase. Il n'y a rien de violent, il n'y a rien. Ouais, c'est juste la vérité. Tout à fait. C'est juste ça. Se prendre en main. Se prendre en main. Puis la avoir... maturation. Exact. Puis à un moment donné, c'est comme le but de tout le monde, à un moment donné, d'avoir sa propre maison, de toujours louer chez quelqu'un puis de se faire décider. C'est un peu la même chose. Ouais, là, tout à fait. Mais en même temps, il y en a qui aiment ça, se faire organiser. Ils aiment ça rester puis se faire organiser dans un poulailler. Fait qu'en tout cas... fait qu'eux autres se désintéressent de la chose politique, malheureusement. C'est là. Ça. C'est ce qui est triste. En un tout cas. Peuple de moutons. Mm-hmm. Jean-Martin Hossan, oui. Qui est toujours en exil à Londres. Parce qu'il n'a pas pu trouver d'emploi au Québec, malheureusement, malgré ses grandes qualités d'économiste. Ben peut-être qu'on ne pouvait pas le payer le payer au prix qu'il demande, qu'il reçoit à Londres, peut-être. Ouais. C'est peut-être une question aussi monétaire, mais tu sais, la porte est toujours ouverte. Tout à fait, Il va toujours, il peut revenir n'importe quand. si on lui propose quelque chose d'intéressant. Parce que son discours est très clair. Oh, oui, oui. Il dit « La réalité est que si les Québécois récupéraient les milliards de dollars qu'ils engloutissent annuellement dans les dédoublements de ministères provinciaux et fédéraux, dans des programmes fédéraux dont ils ne veulent pas et dans les empiètements inefficaces du fédéral au Québec, et surtout si tous ces impôts et taxes qu'ils entrevoient à Ottawa étaient plutôt concentrés sur le développement de leur propre économie, la fameuse péréquation canadienne s'avérait rapidement bien stérile. Mm-hmm. » Il termine en disant « Deux référendums ont été perdus parce qu'on a fait peur aux Québécois avec des arguments économiques bancals, voire carrément faux. Il est temps que cesse le mensonge. » Wow! J'ai le goût d'applaudir. J'ai le goût de me lever et d'applaudir. Pour vrai. J'ai su récemment que le père de Patrice Lécuyer, Gaston Lécuyer, avait été candidat du RIN contre Pierre Laporte, ce qui avait valu aux séparatistes d'être congédié de son job au devoir par Claude Ryan. Et la famille de ce patriote en a beaucoup souffert. Donc, salut à la famille Lécuyer, mm-hmm. qui est du bord des indépendantistes et qui, eux aussi, se sont fait ostraciser pour leurs idéaux politiques, malheureusement. Je savais pas du tout. Mathieu Bock-Côté. À Ottawa, le Québec a un ennemi politique. Un pays qui nous nie n'est pas notre pays. Un pays qui nous empêche de préserver notre langue n'est pas notre pays. Un pays qui conteste notre droit à décider librement de notre avenir n'est pas notre pays. Un pays qui nie grossièrement les règles de la démocratie québécoise n'est pas notre pays. Finalement, le Canada n'est pas notre pays. J'aime bien, moi, des fois, sa verve à Mathieu Bock-Côté. Et puis pourtant, il est quand même assez de droite, Mathieu Bock-Côté. Oui. Donc, les gens, tu sais, des fois, disent « Ah, oh, histoire de gauchiste, puis de communiste, puis de ci, là... » Ben là, avec PKP, le monde le voit bien que ça n'a plus rapport. Ouais, ouais, ça va c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur aux autres. Oui, d'ailleurs, 19% des libéraux voteraient PKP. Ben, tu sais. Puis peut-être 50% des caquistes. Ben, gars. Okay? Je pense que c'est pas une mauvaise chose que PKP soit là. On va aller du côté des fédéraux. Michael Ignatieff, qui avait dit en avril 2012, « Le Québec et le Canada n'ont plus rien à se dire. Ils vivent dans un climat d'indifférence mutuelle et forment déjà, à plusieurs égards, deux pays séparés. » Aïe aïe, c'est Michael Ignatieff qui a dit ça. Aïe aïe, je poigne de quoi. Ben c'est vrai, tout simplement. Ouais, ouais. Un artiste, plutôt un comédien ou un... je sais pas comment l'appeler. Sylvester Stallone. OK. A déjà dit... Un fantaisiste. Oui. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, j'admire ce combat que les gens mènent ici pour l'indépendance. Au moment où la culture fout le camp partout dans le monde, j'aime bien voir des gens se battre pour garder la pureté de leur langue et de leur culture. C'est très intelligent ce que vous faites et c'est un exemple à suivre. Wow! On va engager Rambo si on a des problèmes. Ouais. Ok, merci à Rocky pour son... tout à fait. Son authenticité. Vraiment, oui. C'est génial. Il y a même le Dalai Lama qui a donné son appui à l'indépendance du Québec en mai 2012 lorsque le chef spirituel tibétain était de passage au Canada. En fait, même s'il est considéré comme un dangereux séparatiste par le gouvernement chinois, il est quand même un citoyen d'honneur au Canada. OK. Et puis, lorsqu'il était à Ottawa... il a rencontré notamment Stephen Harper, il a pris part à une cérémonie officielle sur la colline parlementaire, puis il a rencontré plusieurs groupes comme les Amis du Tibet et de son propre chef, le lauréat du prix Nobel de 76 ans, 78 aujourd'hui, a utilisé l'exemple canadien de deux référendums pacifiques au Québec pour illustrer comment le Canada devrait faire pression sur la Chine pour accepter l'autonomie du Tibet. Et la députée Maria Mourani, qui est devenue libérale à cause de la charte, la députée avait dit à l'époque en entrevue voir l'occasion de demander l'avis du Dalai Lama sur l'indépendance du Québec. Et selon elle, le chef spirituel tibétain a dit croire qu'un pays démocratique comme le Canada accepterait le verdict si la majorité des Québécois déciderait de voter oui à l'indépendance. Et avoir dénoté aussi, dans les dires du Dalai Lama, une volonté de travailler à unir tous les pays en Amérique, du nord au sud, si le Québec décide d'être indépendant. Donc, aucune exclusion, aucune souffrance. Tout à fait. Chacun a droit. On n'exclut aucun petit pays de l'Amérique du Sud. Là, et ils ont le droit de vivre chacun leur truc. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2006, même Jean Charest avait dit dans une entrevue à TV5 en France... Personne ne remet en question la capacité du Québec financièrement à faire du Québec un pays. Sauf que la vraie question est la suivante. Qu'est-ce qui est dans notre intérêt à nous? Ben, c'est ça. On voit c'est quoi ses intérêts à lui. Il a augmenté la dette du Québec du tiers. Puis, Mais même Charest l'avait dit, ça, que le Québec pouvait facilement vivre par lui-même. Oui, oui, oui, c'est ça. Que la séparation financièrement était possible. Ben oui. Tout à fait. Ok, tu sais, en tout cas, imagine quand Charest dit, là, à vous, là, ceux qui trippent, c'est libéraux. Là. Et ça, ça a été redit récemment, en pleine campagne, par notre premier ministre Philippe Couillard, qui croit lui aussi que le Québec a les capacités de l'indépendance. Il dit, oui, bien sûr que le Québec a les capacités de survivre financièrement à la séparation. Mais il dit ne pas comprendre que quelqu'un qui s'estime compétent en économie, comme PKP, recommande la séparation du Québec du Canada et la disparition de 9 milliards en péréquation. Ça me semble un calcul assez simple qu'on pourrait lui adresser. Il n'a pas compris, lui, non plus, non, je pense. Puis là, évidemment, avec sa campagne de peur, il continue. Si on était opprimé et humilié dans une situation dramatique, on pourrait prendre collectivement la décision de se passer de tout ça, l'argent du fédéral. Mais on est un peuple libre, heureux et en prospérité. Ah, ça, il parle de chez eux, là, dans sa maison, parce qu'il parle pas du peuple. Ou à sa gare. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Puis là, dans le fond, Couillard admet que le Québec a les moyens d'être indépendant. Il dit, par contre, que les perturbations qui avaient été estimées par Pauline Marois environ 5 ans, lui, il dit, faut pas plutôt parler de 10 ans. C'est des années de perturbations majeures dans les services publics, dans le Québec, dans la société québécoise, a-t-il dit en mars dernier. Pourquoi? Mais plus loin que ça, l'austérité, c'est quoi tabarnak à part ça que des perturbations pour des années dans l'espace social? Exact, total. Hey, c'est fou raide. Ouais. Donc pour lui, pour M. Couillard, l'indépendance du Québec est inutile car les Québécois sont heureux et prospères dans le Canada. Merci de nous l'avoir rappelé. Une chance qu'il nous le dit, sinon on le verrait pas. Hein? On est heureux et prospères dans le Canada. Dites ça à tout le monde en ce moment là, au Québec. Là. Puis François Legault, de même sorte, là, c'est certain que le Québec serait perdant quand on regarde l'argent qui est envoyé à Ottawa et l'argent qu'on perçoit d'Ottawa. C'est pas ça, ça qu'il disait, c'est très contestable. Oui, avec son budget de l'an 1, qui disait qu'on récupérait 5 milliards dès la première année. Il dit n'importe quoi. Puis là, il dit maintenant, ce n'est pas l'enjeu principal. Le Québec pourrait peut-être dans la moyenne ou peut-être un petit peu en bas de la moyenne des pays. Je vais vous rappeler quelque chose. Avoir un pays, selon le PIB, là, le Québec serait 27e sur 235 dans le monde, puis on serait 19e sur 35 à l'OCDE. C'est les pays en voie de développement. Mm-hmm. Monsieur Legault... Allez faire vos devoirs. Vraiment, il dit n'importe quoi, lui. De toute façon, il n'y a plus personne qui veut savoir ce qu'il dit. Pour vrai, le monde s'en fout de ce qu'il dit à cette heure. Brian Mulroney. Le Québec sera distinct à l'intérieur du Canada ou alors il le sera à l'extérieur du Canada, tout simplement. Sage. Très sage petite citation. Daniel Johnson, en 65, il disait, qui était chef de l'Union nationale, « J'aimerais être le premier président d'une République du Québec. » Malheureusement, son rêve n'a pas pu arriver. Il a quand même fait venir Charles de Gaulle ici là, pour proclamer à la face du monde que le Québec existait, qu'il y avait un coin du monde en Amérique qui parlait encore français après 400 ans. Mm-hmm. Pauline Marois, le plus grand risque pour le Québec, ce n'est pas la souveraineté, c'est de rester dans le Canada. C'est assez clair, hein? Hey, je l'ai entendu à la radio, elle était beaucoup plus calme. Ouais, Ouf, qu'elle a, ça lui a fait du bien. Elle s'est assagie. Elle est plus relaxe. Ouais. Elle a quand même sa verve, là, elle a son style, là, mais quand même beaucoup plus relaxe. Tant mieux. Moins ses dents qu'elle était. Là. Ah, c'était fou. Décomplexé par Vraiment. La sortie de la scène électorale. Oui, tout à fait. L'auteur, compositeur, interprète Yann Perrault est indépendantiste, je le cite. En fait, il répond à la question « Si vous aviez un super pouvoir, je vivrais jusqu'à au moins 100 ans et verrais mes propres enfants devenir grands-parents dans un Québec indépendant, écologique, multiethnique, acteur clé parmi les leaders de la francophonie mondiale, prospère, démocratique, juste, créatif, visionnaire et responsable d'un des plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. » Un beau souhait, ça. C'est un beau super pouvoir. C'est Yann Perrault. Vraiment. Bruno Roy, ce n'est pas l'économie qui donne un sens à la langue et à la culture, c'est la langue et la culture qui donnent un sens à l'économie. Ben oui, sinon ça sert à quoi? L'économie, elle sert à quoi si on peut pas se divertir, apprendre, puis, tu sais, être heureux dans la vie. Ça donne rien d'être riche si tu peux rien acheter avec ton argent. En tout cas, c'est fou. Charles de Gaulle. Oui. Seuls sont perdus d'avance les batailles qu'on ne livre pas. Nous y sommes toujours. Total. Pierre Falardeau. Un peuple, sti, qui a demandé de voter pour la liberté puis qui vote pour l'esclavage. Ben, je trouve ça effrayant. L'indépendance, ça appartient au peuple et non à un parti politique. Le gouvernement, c'est le peuple. Merci, mm-hmm. Falardeau. Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Et on va terminer bientôt. Et j'en ai des tonnes, hein? Oui, oh, oui, non, on voit ça. On Daniel voit. Turp, la réussite du pays du Québec est et sera fondée sur la persévérance. Faut pas lâcher. Mm-hmm. Chafik de Lokolokas, en participant à la libération d'un peuple, votre nouveau peuple, vous, les nouveaux arrivants, les Québécois bientôt sans le néo avant, vous qui avez peut-être fui la guerre et la pauvreté, en l'espace d'une campagne, vous passeriez du statut d'immigrant à celui de fondateur. Rien de moins. C'est fort, ça, hein? Très, très fort. Mais va dire ça à ceux qui sont comme obligés de voter libéral là, dans leur tête, là. Ouais. Parce qu'ils viennent d'arriver et qu'ils se sont fait dire de, que c'était de même qu'il fallait qu'ils citoyenneté votent. Citoyenneté canadienne. Ouais, c'est ça. Mais c'est hallucinant, là, tu sais, au lieu d'être juste un néo quelque chose, petite personne, d'être un fondateur d'une nouvelle nation, un nouveau pays qui existe déjà, mais qui veut pas exister. Là. Vive l'espoir. Vraiment. Oh, oui, ça fait du bien, Jeff. Ça fait du bien, un peu d'espoir. Et deux, trois pour terminer. Les fédéralistes veulent que le Québec joue un rôle dans le Canada. Nous, les indépendantistes, voulons que le Québec joue un rôle dans le monde. Quelque chose qui circulait sur Internet. Génial, tout à fait. Bernard Frappier. De façon, de le Canada, ouais. Regardez l'image qu'il y a à travers le monde en ce moment. C'est terrible. À chaque fois qu'on entend parler, on est de pire en pire. Là. Ouais, puis on se fait associer à ça, finalement. On se fait associer à ça parce qu'on fait partie de, cette, de ce beau plus grand pays du monde. Bernard Frappier, qui oui. est écrivain. Nous avons résisté la survivance. Nous avons insisté le partenariat. Nous allons exister, l'indépendance. Et Gaston Miron, nous te ferons taire de Québec, lit des résurrections et des mille fulgurances de nos métamorphoses, de nos levains où lève le futur de nos volontés sans concession. Wow! C'est Gaston Miron, je crois, qui disait que tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. Ben, c'est ça. Au moins, on finit ça avec de bel espoir. Merci, Jeff, oui, pour toute cette session. Ça fait plaisir. On va se revoir le mardi, je crois, oui, on va la session prochaine. Tout à fait. Et on va se laisser en joie avec musique folklorique pour le temps des fêtes, de la bottine souriante avec le zigazon zinzon oui. que je dédie à Josiane si elle était à l'écoute. Excellent. Merci beaucoup, Jeff. Ça fait plaisir. Bonne année, joyeux Noël. Joyeux et Noël. Tout le reste. Je m'en vais à la fontaine pour y pêcher du poisson, les zigazons zinzon. Je m'en vais à la fontaine pour y pêcher du poisson, les zigazons zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, les zigazons zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, puis rigoler, oh oh. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, les zigazons, zinzons. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, les zigazons, zinzons. Paris City, les postes, trois cavaliers, barons, les zigazons, zinzons. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, tin, rigoler, oh, oh. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Paris City, y passe, trois cavaliers barons, les zigazons, zinzons. Paris City, y passe, trois cavaliers barons, les zigazons, zinzons. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, les zigazons, zinzons. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, puis rigoler, oh, oh. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé, tout rouillé, gaiement. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, les zigazons, zinzons. Que me donneriez-vous belle si je vous tirais du fond, les zigazons, zinzons. Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons les zigazons, zinzons. Fille en haut, fille en bas, fille, fille, fille, femme, femme, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, puis rigoler, oh, oh. Son petit porte-clé, tout rouillé, tout rouillé.

Ben oui. Parce qu'on a beau être nord-américain, je pense pas qu'on est aussi cave côté calcul. J'espère que non. J'espère que non. J'aimerais qu'on me prouve ça. J'aimerais qu'on me le dise, qu'on m'encourage. Voilà donc pour une grosse pointe d'adresse. On a fait le tour des nouvelles du fast-food. On a mangé des Pepperman Roca. Moi? Oui. Puis c'est tout. On fait ça chaque semaine à Assemblage Requis parce qu'on aime ça. Mais c'est vrai qu'on aime ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle de cet élève conducteur, donc un gars dans une auto-école qui était ivre au volant. C'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Donc, un élève conducteur et son passager ont été contrôlés alors qu'il était sous l'influence d'alcool à bord d'un véhicule se déplaçant phare éteint. Donc, c'est particulier. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à Bulle, en France. Ils se promenaient roulant phare éteint. Ils ont été contrôlés vers 00h30. Les agents de la police ont constaté que les deux étaient sous l'influence d'alcool. L'homme au volant, âgé de 29 ans, présentait une alcoolémie supérieure, 1,5 pour 1000. Le passager qui l'accompagnait lors de cette course d'apprentissage était âgé, lui, de 39 ans et se trouvait également sous l'influence d'alcool. Leurs permis ont été saisis, c'est ce qu'a annoncé la police fribourgeoise ce mercredi. OK. Élève conducteur était ivre au volant. Et pas juste l'élève et le conducteur et le prof aussi, en tout cas. Pas tout à fait clair, mais en tout cas, ça se fait pas dans une auto-école. Invention des pilules pour chier des paillettes. Eh bien oui, c'est donné. Si vous savez pas quoi faire pour les fêtes, là, ça va vous mettre un peu de glitter dans le... Dans le pot. Donc, voilà une idée cadeau pour le moins originale. Si vous êtes du genre à regarder au fond de la cuvette après avoir effectué votre grosse commission, cette invention est faite pour vous après avoir présenté la Gold Pill, la pilule qui transforme votre caca en or. Voici la Glitter Pill. À l'intérieur de cette petite pilule ressemblant à un Dafaglan, en tout cas. Aucun médicament, mais juste des paillettes. Une fois ingurgitée, la pilule va se dissoudre dans votre estomac et libérer quelques grammes de paillettes qui viendront customiser votre merde. Disponibles dans différentes couleurs, ces pilules sont vendues par lot de 6 au prix moyen de 7€. Tous les modèles sont disponibles en vente en cliquant via un lien sur la page Facebook du Dîner de con. Mais c'est en quoi? Et puis... Qu'est-ce que ça va faire dans le corps, ça, sérieux? C'est en quoi, ces petits glitters-là? Ça peut pas être bon, quand même, pour la santé. Come on! En tout cas, si ça vous intéresse et que vous êtes vraiment original, allez-y donc. C'est juste ça que je peux dire. Maintenant, dans nos éphémérides, c'est arrivé un 17 décembre. En 1777, eh bien, en partie grâce aux efforts diplomatiques de Benjamin Franklin, Louis XVI reconnaît officiellement l'indépendance des colonies britanniques d'Amérique. Un 17 décembre de 1777, quand même. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé aussi un 17 décembre? Eh bien, le chef du mouvement indépendantiste colombien, Simon Bolivar, proclame la République et vote la constitution d'un nouvel État appelé le Gran Colombia, la Grande Colombie. Le pays comprend le Venezuela, l'Équateur, la Colombie actuelle. On ne nous dit pas l'année? OK, on nous dit pas l'année, mais c'est arrivé un 17 décembre, en tout cas, ça, c'est sûr. Sinon, en 1903, les frères Wright, Orville et Wilbur, effectuent le premier vol motorisé. Hein? Wow, les frères Wright, un 17 décembre, premier vol motorisé. Toujours un 17 décembre, en 1936, naissance de Giorgio Mario Bergoglio, qui est le pape sous le nom du pape François. Donc, naissance du pape François en 1936, un 17 décembre. Toujours un 17 décembre, naissance en Ukraine de Mila Jovovich, mannequin, actrice et chanteuse américaine en 1975, la dame. 1987, eh bien, décès de Marguerite Yourcenar, femme de lettres française et membre de l'Académie française, hein, qui est la première académicienne française de retour au monde noir. Au début des années 80, on la voit en image via la page Facebook du Dîner de con. Hein? Sinon, toujours un 17 décembre, première diffusion des Simpsons en 1989. Et l'image est merveilleuse et pose avec Matt Groening. Vraiment intéressant. Et finalement, en 1994, Céline Dion, 26 ans, épouse son manager René Angélil de 52 ans. Et l'histoire d'amour continue toujours. Sur ce, eh bien, il est midi 47, on continue. Un pitbull qui a peur d'un ananas, hein, c'est pas assez intéressant ça, qui eût cru qu'un pitbull puisse avoir la phobie des ananas? Eh bien, sûrement pas la propriétaire qui a filmé cette scène. Donc, quand son chien, prénommé Stella, a découvert l'étrange fruit exotique sur le meuble de la cuisine, Jolene Creighton ne s'attendait pas à ce qu'il suscite une telle panique chez son animal de compagnie. Donc, le pitbull, réputé un chien dangereux, a pris peur et s'est mis à aboyer, d'abord intrigué. Le terrier a ensuite reculé en voyant l'ananas s'approcher. Lorsque sa maîtresse lui demande de venir sentir le fruit, Stella ne parviendra même pas à braver sa peur du fruit. Alors, moi, je vous propose, là, pour vous, facteurs, pendant que vous avez encore une job, promenez-vous avec un ananas dans vos poches, et si vous faites attaquer par un pitbull, sortez l'ananas, et puis vous allez comprendre tout de suite la réaction de peur du fameux ananas vis-à-vis un pitbull. C'est grave, c'est très grave. Ah, ici, drôle d'histoire qui est arrivée, c'est Anna Kendrick qui a fait une apparition remarquée sur le plateau de David Letterman hier soir. Elle a notamment parlé d'un jouet de Noël très ambigu selon elle. Et vous allez comprendre, le titre c'est un vibro couvert de fourrure, non? Alors, Anna Kendrick a fait la sensation hier soir sur le plateau du David Letterman Show. L'actrice venait assurer la promotion de son film Into the Wood. Toujours très franche et entière, la star a annoncé la couleur en amont sur son compte Twitter. Letterman a été mon premier talk show. Ce soir, on parle de drogue, de sextoy, etc. C'est le meilleur, a posté fièrement Anna Kendrick. Pour son interview, l'actrice n'est donc pas arrivée les mains vides puisqu'elle a ramené un jouet que David Letterman avait montré précédemment à son public. Le gadget ressemblait à une patte de chat avec de la fourrure au bout, mais Anna Kendrick y a vu autre chose. « Pas vraiment », a-t-elle répondu quand elle lui a demandé ce qu'elle voulait pour Noël, mais je veux... Mais je peux dire un truc, ce jouet pour chat, là, c'est quoi, un vibro couvert d'une fourrure, non? C'est ce que c'est, non? Et là, il y a eu une usine où ils sont sortis ça, là. Vraiment, ils ont mis de la fourrure dessus et ils ont vendu ça aux enfants. Non, c'est pas pour les enfants, ça, hein? C'est ce qu'il a dit. Donc, amusé et embarrassé par les propos plutôt provocateurs d'Anna Kendrick, David Letterman ne s'est pas laissé démonter. C'est ce que tu veux que ce soit, Anna, hein? Est-ce que je peux avoir des jouets pour chat, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui va chez moi, mais ça, ça m'est jamais venu à l'esprit, a renchéri le présentateur. Non, il se croyait malin avec ça, mais maintenant, on sait, a assuré Anna Kendrick. Toujours drôle et enjouée, l'actrice est loin de faire les 30 ans qu'elle atteindra en août prochain. Loin d'angoisser à l'idée de passer ce cap fatidique. Ah, ça, c'est vieux, 30 ans. L'actrice semble l'embrasser. Je me sens bien, j'aimerais qu'on y soit déjà, avait même récemment confié Anna Kendrick à l'édition britannique de la revue Marie-Claire. Hein? C'est génial. Midi 50, on vous en avait parlé il y a quelques mois, je vous dirais presque un an. Eh bien, c'est la voiture qui se dirige toute seule dans un parking. BMW veut implanter dans ses véhicules électriques un système d'aide au parkage autonome. Donc, les systèmes d'aide au parkage fleurissent dans les derniers modèles de voitures, mais BMW a présenté au CEO de Las Vegas une idée nouveau genre. Le groupe bavarois donc compte mener des essais dès janvier avec un modèle électrique, le i3. Équipé de son système Remote Valet Parking, pour faire simple, le conducteur quitte sa voiture qui va chercher une place de parc de stationnement disponible toute seule. Hein, c'est quand même assez particulier. On a déjà les Ford là, qui se stationnent en parallèle tout seul, mais là, ce serait vraiment tu laisses aller ta voiture se parquer tout seul. Donc, mais pourquoi donc avoir présenté ce système dans ce qui est le Salon international de l'électronique et des technologies grand public? Eh bien, car l'ensemble sera piloté depuis un smartwatch. Le verrouillage des portes se fait à distance et le véhicule pourra même sortir du parking pour aller chercher son conducteur. Le véhicule test de BMW s'appuiera sur 4 capteurs faisceau laser de nouvelle génération. Pour être fonctionnel, le système devra comporter le plan digitalisé du parking afin de pouvoir se passer d'un GPS dont la réception est problématique sous plusieurs mètres de béton. On le sait. Ce ne sera donc pas à la portée de chacun. Ça aussi, on s'en doute. En outre, le bâtiment doit également disposer d'un système permettant de reconnaître les places disponibles. Les premiers essais menés sont déjà prometteurs, mais d'autres groupes comme Honda, Volvo ou encore Audi explorent déjà ce créneau et aucune production de série n'est attendue avant 2020. Donc, la nouvelle n'est pas plus nouvelle que quand j'en ai parlé il y a un an. Et puis, c'était aussi avec la gang de BMW. Je m'excuse de vous avoir recyclé une vieille nouvelle de là un an. On peut faire ça comme ça. Et puis, tiens, on va se faire le top 10 des bonnes raisons de se mettre aux joints électroniques, la drogue du futur. Premièrement, eh bien, vous n'aurez plus de trous de boulettes. Alors, juste des trous de i ou des i-trous de boulettes, hein. Ben oui, ça arrive des fois que le pot, ça tombe sur nos vêtements et puis ça fait des petits trous, hein. Eh bien, là, ça n'arrivera plus avec ça. Plus besoin de se griller chez le buraliste en achetant des feuilles slim. OK. Non, mais c'est parce que j'adore ça, les grosses clopes. Donc, plus besoin d'acheter du papier pour se rouler des joints. Troisième solution du e-joint, hein, du joint électronique, eh bien, vous ne ferez plus taxer votre feu. Ben oui, les gens disent que le cannabis est cher, mais le vrai budget d'un fumeur, c'est le rachat d'un briquet à 2 euros tous les 4 matins, surtout quand on en veut un peu rigolo, hein, genre avec un dessin particulier dessus. Mais c'est vrai, les fumeurs de potes se font toujours emprunter leur briquet et un peu mêlés, hein, ben, ils oublient toujours de le redemander. Donc, avec le i-joint, ça n'arrivera plus. C'est beaucoup plus discret qu'un bang, ça c'est sûr. Hein? Faut dire que le vôtre qui a deux arrivées d'eau, une photo de Bob Marley et la phrase « qui roule bamboule », c'est pas tout à fait discret. Hein? Un bang, peut-être pas. Les vapoteurs sont sûrement dangereux, mais on ne sait pas encore pourquoi. Nos aïeux ont eu la parenthèse cachée et la révolution sexuelle avant l'arrivée du sida. Les médecins des années 50 faisaient de la pub pour Camel. Vous ne voulez pas vivre ça. Se faire mal, oui, mais dans l'insouciance. OK. C'est l'occasion aussi d'aller faire un petit tour en Hollande, hein, avec les joints électroniques. C'est un charmant pays qui a bien plus à offrir que les clichés de la prostitution et du cannabis. L'alcool y est, par exemple, très bon marché et de bonne qualité. Il y a aussi votre mère qui va croire que vous avez arrêté la clope, hein. Elle l'a vu à la télé. Tous ces machins électroniques qui vous aident à faire arrêter de fumer, justement, les petits vapoteurs et tout. Elle va voir que du feu là-dedans. Vous n'aurez plus jamais de ces débats nazes entre Maroc ou carton. Voir deux fumeurs augmenter mollement pendant 2 heures sur les bienfaits de telle ou telle technique, c'est à vous dégoûter de prendre la drogue. Heureusement, vous ne manquez pas de volonté et les technologies viennent à votre rescousse pour vous aider à ne pas lâcher le bon bout. Il y a vos soirées fumettes qui ne transformeront plus votre appartement en aquarium, hein? Mais où on est, je vois plus rien, bordel. Et hein, ben c'est ça. C'est sûr que le nuage de 4 mètres de boucan dans la maison, ça va être disparu avec ça. Génial. Et vous croyez dur comme fer au truc électronique? Ben c'est ça. Vous regardez plus de foot, hein, que le e-sport. Vous aimez ça, le e-sex, c'est vachement mieux, et surtout depuis que vous êtes célibataire. Et vous mangez même de l'e-bouffe depuis cette sale histoire de licenciement. Bref, vous êtes un e-lover et ça vous convient parfaitement. Alors, c'était le petit top 10 des bonnes raisons à se mettre aux joints électroniques dans le futur. Et puis, il nous reste encore quelques petites nouvelles. Attends un petit peu, juste voir si on a le temps. Ouais, on va se faire ça ici. Aéroport de Zurich. La douane de l'aéroport de Zurich a saisi lundi 4 kilos de cocaïne dans les bagages d'un Portugais en provenance de Sao Paulo au Brésil. Le suspect qui venait du Brésil avait placé la drogue dans la doublure de 2 sacs en cuir. Il a été remis à la police cantonale zurichoise. C'est ce qu'indique la douane à l'aéroport. Découverte historique du robot Curiosity sur Mars. Depuis le début de la mission sur Mars en août 2012, il s'agit peut-être de sa découverte la plus importante. Le robot, Curiosity de la NASA a enfin détecté la présence de molécules organiques dans le sol martien. Une première, puisque cette hypothèse jugée probable et qui a accrédité l'existence de la vie sur Mars n'avait jamais été confirmée jusqu'ici. Nous avons fait une découverte importante. Nous avons décelé des composés organiques sur Mars. C'est ce qu'a déclaré mardi John Gardzinger, responsable de la mission Curiosity, cité par l'agence Reuters. Évoquant un grand jour et l'aboutissement de 10 ans de travail acharné, c'est une découverte enthousiasmante parce que là, fait des décennies que nous cherchons des composés organiques à la surface de Mars. C'est aussi réjoui David Plavin, un autre responsable de la mission. Dévoilé lors de la conférence de l'American Geophysical Union et paru ce mercredi 17 décembre dans la revue Science, cette découverte n'est pas la seule qui a suscité l'enthousiasme des scientifiques. Curiosity a en effet détecté près de la surface de Mars des émanations régulières de méthane, ont également indiqué des scientifiques de la mission sans pouvoir déterminer l'origine de ce gaz qui, sur Terre, provient à 95% de micro-organismes. Une découverte obtenue à partir d'informations récoltées depuis novembre 2013 à l'aide d'un spectromètre du laboratoire SAM, le Sample Analysis at Mars, embarqué à bord de Curiosity. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Ah, on est enfin arrivé à la fin de l'émission du mercredi, notre moment adoré où on peut se permettre de se remplir le ventre de choses faites à la main. C'est ça qui est le fun de la chose. Non, à les mains. À les mains. J'ai pris les deux. Tu l'as fait avec tes les mains? Voici Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Oh, yeah. Mathieu. Steph. Tu sais, il y a des semaines où t'as juste pas le goût de sortir de chez vous. Ben, pas des semaines, des journées en particulier, tu sais. Des années, hein. Ouais. des à date 2014, pas sûr. Tu sais, ça te tente pas trop de sortir de chez vous. Puis là, tu te dis, Colin, tu sais, j'ai pas mes mains d'argent. Qu'est-ce que je ferais bien? Ben, on trouve des recettes qu'on a déjà les ingrédients chez nous. Parce ben oui. Que oui, ça arrive. Donc, ça demande quand même un peu plus de recherche. Mais t'es bien équipé, toi, faut le dire. T'es une fille qui cuisine quand même beaucoup, donc t'en as pas mal, les ingrédients. Oui, j'avais quand même beaucoup de trucs à la maison, là, mais ça arrive souvent qu'ils demandent, tu sais, juste une affaire, t'es comme, hey, Colin, tu sais, une boîte d'Eagle Brand, je garde pas ça stock chez nous. Mm-hmm. Puis, ou par exemple, du fromage à la crème, tu sais. Sinon, je passe à travers avant de cuisiner, tu sais. Ben oui. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Donc, cette semaine, j'ai trouvé un petit quelque chose, je pense, qui va être excellent. Rien de moins. On l'espère. Peut-être le meilleur que tu auras jamais fait. Peut-être pas, non. Je sais pas. Là, dans je top 15, dire, j'en ai tellement fait beaucoup, là, à un moment donné, ça devient difficile. En fait, cette semaine, j'ai fait du toffee. OK. En fait, c'est du easy toffee. Hein? Donc, c'était pas trop tough, hein? Non. Fait que je trouvais ça très drôle que ce soit du easy toffee. Je sais même pas, en théorie, si c'est difficile à faire, mais ça, c'était facile. Il me semble qu'ils ont manqué l'opportunité d'appeler ça du tough easy. Tellement. Écrire à la fille sur le blog, elle va s'en mordre les doigts. Donc, je vous présente un peu les ingrédients, la préparation. Donc, si vous voulez, bien entendu, suivre avec nous la préparation de ce easy toffee, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et en fait, sur la page d'accueil, vous allez voir, j'ai déjà publié les photos et elles sont en ordre. Oui, et vous pouvez descendre de recette en recette pour voir celle des semaines passées, mais là, c'est la plus récente en haut, là, celle-là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est facile, ça commence avec des biscuits soda, la première photo. OK. Est-ce que tu dois siffler en même temps que tu le fais comme... Mais non, mais c'est parce que tu les mets pas dans ta bouche quand tu cuisines. OK, excuse-moi, OK. Donc, les ingrédients... C'est un défi, je te rajoutais. Ben, c'est pas vraiment un défi. Je veux dire, je me sers pas de ma bouche pour cuisiner. C'est assez rare. Donc, les ingrédients, ça nous prend des biscuits soda. Moi, j'en avais une grosse caisse de Costco, donc ça me fait plaisir d'en passer un peu. Ça prend une demi-tasse de beurre, une tasse de cassonade tassée. Ça veut dire qu'on le foire dans le fond de la tasse. Oui. Là, on veut que ça soit compact. Et un sac de pépites de chocolat mi-sucré. Ça, c'est toutes des affaires que je garde stock. Ensuite, optionnel, donc vous pouvez choisir ce qui vous intéresse là-dedans. Donc ça peut être du sel, des pacanes, des guimauves miniatures. Moi, il me restait deux sacs complets de guimauves de la recette de la semaine dernière. Ben oui. Donc je me suis dit, je pense que les guimauves, ça serait une bonne idée. Vrai. Donc, c'est tout simple à préparer. On doit préchauffer le four à 350, premièrement. Ensuite, première photo, on doit recouvrir une plaque à biscuits de biscuits soda. Donc ça, à date, là, je pense que c'est à la portée de tous. Ouais. Même toi, Mathieu, tu pourrais facilement recouvrir une plaque à biscuits de biscuits soda. Je me demande si j'y mettrais droit comme ça ou si je ferais comme des tuiles, tu sais. C'est imbriqué comme moitié sur l'autre, tu sais, genre ça. Comme des... Ouais, mais c'est parce que faudrait que tu coupes des moitiés de biscuits soda pour les extrémités. Les coins, ouais. Ben, moi, ça me tentait pas vraiment de faire ça. Je vous conseille de mettre du papier parchemin en dessous. Et j'ai bien fait. Moi, je cuisine toujours là-dessus. Et j'ai bien fait parce que vous allez voir une photo plus loin que les biscuits, ils n'ont pas resté collés. Là, parce que c'est pas à côté sur la plaque. Il n'y a pas de mortier entre chaque là, non plus, pour, comme le brique. Non, mais il va en avoir presque. Okay. T'en as mis combien par combien, mettons? Juste approximativement, mettons. Ben, je les ai pas comptés. Est-ce que tu veux les compter pour nous? Je pense qu'il y en a 4 de large, en tout cas. Par 2, 4, 6 de haut. En tout cas, sa photo, moi, j'en vois. Donc, ça fait 4 fois 6. 24! Ça a été long, il a fallu que je fasse 6 fois 2 puis après ça fois 2 encore. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, une fois qu'on a recouvert notre plaque de biscuits soda, on va, dans une casserole à feu moyen, on va combiner la cassonade et le beurre. Et on va mélanger continuellement. Là, tu dois avancer dans les photos, okay, là. Okay. Parce que je les ai pas écrites, malheureusement. Donc, je pense que c'est photo 2. Dans une casserole à feu moyen, on combine la cassonade et le beurre. Oui, c'est bien la photo 2. On change de photo, mélanger continuellement. Non, ça a déjà l'air bon, ça, là. Et on change de photo. Lorsque le mélange commence à bouillir, on change de photo. Verser doucement sur les biscuits et étendre avec une spatule. Là, ça commence à ressembler à la barre, là, de la barre... tu sais, la barre que t'achètes de ta fille, là, au dépanneur, là. Celle qui fait mal aux dents, ouais. Là. Ben ouais. Comment ça s'appelle? Ben, du toffee. Du mec quelque chose, oui. Là, c'est... Tu sais quoi, là, c'est fou, là... C'est rouge, l'emballage est rouge, ben, c'est oui. Dégueulasse. Oui. Et on met au four pendant 5 minutes. OK. Ça va? Oui. Parfait. Ensuite, on va retirer du four, là, on change de photo, on retire du four et on va parsemer de pépites de chocolat. Donc là, on a vu retirer du four, on a vu que nos biscuits, c'était tout écartillé. Oui. Puis là, il y a plein de caramel en dessous. Imagine, si j'avais pas mis de papier parchemin, j'aurais tout perdu ce bon caramel-là. Hey, hein? Quel gaspillage, ça. J'étais prévoyante. Là, t'as passé la langue entre chacune des biscuits pour garder, non? Non, t'as pas rien. Est-ce que t'as pris ce qu'il y avait dans les craques pour leur mettre ces biscuits ou c'est resté mais dans non, le fond? J'ai laissé comme ça. Ok, parfait, c'est bon. Mais oui, mais oui. Donc, c'est ça. On change de photo, on parsème de pépites de chocolat. Mm-hmm. On laisse fondre une minute ou deux. Une minute. Moi, je pensais que ça marcherait pas. Parce que des fois, tu le mets au micro-ondes, on dirait que ça veut jamais fondre. Mais là, écoute, j'étais vraiment étonnée. Si tu changes de photo, tu vas voir que ça s'est super bien étendu à la spatule. Crème, oui. Hein, c'est beau, on dirait du Nutella. C'est beau, hein? Très beau. Merveilleux. Donc, ensuite, tu changes de photo. Et là, c'est selon. Tu peux saupoudrer le dessus de pacane hachée. Ça peut être des miettes de biscuits soda, ça peut être des guimauves miniatures. Donc, eux, ils conseillaient, entre autres, si jamais vous aimez vraiment les s'mores, vous pourriez prendre des biscuits Graham avec les guimauves. Mais moi, je me suis dit, j'ai pas de biscuits Graham. Je trouve ça très bien avec les biscuits soda, ça va apporter un petit salé. Mm-hmm. Et avec les guimauves, je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Non, c'est comme des s'mores salés. Je pourrais dire, ça pourrait être des copeaux de canne de bonbons. Ben oui, des ben oui. Sprinkles de gâteau. Ben oui, ouais. On pourrait y aller aussi avec d'autres noix. On pourrait y aller avec des pistaches. Écoute, c'est des pépites de chocolat blanc. Puis là, ça pourrait comme refondre un petit peu. Puis je pense que ça serait vraiment cool. Des petits fruits? Tout est possible, non? Ah, ben ça fond pas. Tu veux leur mettre au four, là? Non. Mais c'est parce que les fruits, ça va se conserver beaucoup moins longtemps. OK. Parce que si c'est des fruits frais ou même décongelés, ben en fait, s'ils sont décongelés, ça va faire de l'eau. Donc, c'est pas l'idéal. Mais c'est ça, tu pourras pas le garder aussi longtemps. Parfait. Mais tu peux le faire. Mais d'après moi, faut que tu le manges dans les 2 jours. Pas trop. Et finalement, dernière photo, on met au réfrigérateur jusqu'à ce que le mélange soit figé et ensuite on brise en morceaux pour déguster. Comme toujours, ta dernière photo, tu t'appliques tellement. Là. Elle est belle. Hein? Tu trouves? Ouais. Hey, pourtant, je l'ai pris ce matin. C'est parce qu'elle a un filtre Instagram dessus. Hein? Pas Instagram. Un autre, là, non, mais non. Mais c'est ça, je veux dire, je l'ai pris ce matin. Je me suis couché hier soir, j'ai fait. J'ai oublié de péter mon toffee. Ah, ça a l'air bon! Donc, avant de goûter, on va un peu étirer ça, hein, on va mettre du suspense et on va aller attendre une pièce que tu as trouvée parce que j'étais un peu en panique. Là, je trouvais rien, j'ai juste trouvé de l'électro-pop ambiant, j'ai trouvé moi aussi expérimental. J'ai trouvé du gros rap, là, vraiment, avec des gars dans la rue qui se créent. Là, ouais, c'est ça. Et étrangement, parce que j'ai trouvé du russe aussi. Ah oui? C'est, ouais, Mais bon, on s'en va entendre Toffee Pop de Damien Rice ou de Damien Ri. Master Steph, ça c'est fou. Close my eyes. C'était Toffee Pop, Pop Pop Pop de Damien Rice. Pop Pop Pop. Et tout ça, pop, pop. C'est dans Master Steph à Assemblage Requis. Hey! Aujourd'hui, on mange du Toffee. Yeah! Ça rime avec Assemblage Requis, j'aime c'est ça. C'est vrai. Toffee Requis ou Toffee aujourd'hui, c'est parfait. Hein? Oh, après fille d'aujourd'hui, Toffee d'aujourd'hui. Ouais. Toffee d'aujourd'hui. Ça se ressemble, par exemple. Ben là. C'est Toffee. Ben, c'est pour ça que j'ai dit. Hein, non, mais trop. Tu sais que les gens comprendront pas. Ah, ok, pas, je comprends. C'est la subtilité. C'est plus à l'écrit, ce gag-là. C'est ça. Ouais. Es-tu prêt, Mathieu, à goûter à ce Easy Toffee? Qui était encore caché comme si c'était une surprise. Là. Tu l'as déjà dit, c'était du Toffee, là. Ouais, mais. Je veux le voir. Ça. Je suis pas obligé de te le lancer dans la face aussitôt que je n'ai parlé. C'est là que ça s'en va pareil, hein? Dans ta face? Ben oui. Ben oui. On va m'en beurrer partout, tu sais comment je mange mal. On va ouvrir le bol dans le micro magique comme la tradition ben le veut. Ben oui, parce que ça change tout. Ben vraiment. Oh! C'est caractéristiquement Rubbermaid encore ton bol, hein, c'est ça? Oui, oui. Ah oui. Oui. Donc, ça sent le caramel et les biscuits soda, ça sent vraiment bon. Génial. Donc, je vais en prendre un petit morceau. T'en as pris comme deux morceaux de biscuits pognés ensemble, je trouve, hein, c'est ça? C'est deux biscuits, ça? Mais non, il y en a rien qu'un. C'est maudit... un maudit gros biscuit, non? Mais oui, mais je les ai pétés en morceaux aléatoires. Ah, là. C'est ça, c'est pas carré par carré que t'as fait. Ben non, hey, j'ai pas rien que ça à faire, couper ça en portions de biscuits soda. Hey, hein, wow, toi là, wow, là, l'emploi du temps. Non, mais prends le gros, là. Non, mais c'est parce que je veux prendre juste une bouchée. Steph! Non, ça vous... se mange quand... Non, mais là, parce que si je prends le gros morceau, ça prend 3 ans à défendre. Mais non, mais tu prendras une mordée dedans, t'es pas mon gars. Pas faire de mais dégâts, non, mais Steph. Tu le prends avec ça, là. Je vais mordre dedans, OK? Et que t'es mon gars. Ouais, mais là. Tu manges mal. Je vais pas faire de dégâts. Mais tu vas en faire pareil. Non. Es-tu prêt à goûter? Non. Oui, je suis prêt. Ah, ben, je vais goûter tout ça. Allons-y, allons-y. Hey, vite, ça fond. Mmh. Oh, j'aime bien ça, tu te filmes. C'est bon. OK, non, c'est parfait. C'est parfait. Le croquant du biscuit soda, le salé aussi. Et ensuite, le toffee vient est vraiment présent. Ah, c'est cœur, hein? Le chocolat, c'est comme juste une note, on dirait, par-dessus. On dirait que pour moi, le toffee passe en premier. C'est la note qui fait la gamme. Non, non. Oui, oui. Oh, non. L'accord. Non, et, c'est ça. C'est ça. On s'accorde et... ouais. Ben, il fait d'autres analogies de musique que je ne pourrais pas faire. Mais c'est bien, le biscuit soda a quand même un peu ramolli. Mm-hmm. Tu sais, il est pas trop croquant. Tu sais, il pète pas, là. Il est quand même semi-moelleux. Et le toffee est pas dur comme celui-là qu'on achète en emballage à l'épicerie. Donc, c'est quand même mangeable. C'est ça la différence. Je trouve que la guimauve amène une belle petite tendreté très agréable sur le dessus. Et le sel du biscuit soda est amplement suffisant. En avoir rajouté sur le dessus, ça aurait été beaucoup trop, selon moi. C'est vrai. Finalement, je vais le prendre à ton couvert. De tantôt. Mm-hmm. Pour déposer le tout. Puis moi? Ah, puis toi? Ah, ben, okay. Je peux te mettre dans le bol? T'as pas voulu? Ben ouais. OK. Voilà. Hey, ça fond ses doigts, le chocolat, hein? Oui, parce que c'est juste du chocolat, tu sais, il n'y a pas de paraffine ajoutée dedans. Ah, c'est à ça que ça sent la paraffine. Comme dans une Kit Kat, par exemple. Ah oui, parce qu'on voit tout le temps l'épicerie de la paraffine. Et on se demande tout le temps, en tout cas, moi, je me demande tout le temps à quoi ça sert. Ça sert à ça? Oui, c'est ça, tu peux mettre ça dans le chocolat et ça va le faire fondre beaucoup moins vite là, quand tu le tiens entre tes doigts. Wow. C'est ça, quand tu fais du trempage et tout ça. Wow, ah, c'est super sucré, j'adore ça. Pour vrai, ça vient de monter dans mon top. Dans c'est vraiment bon, hein? Faudrait qu'on sorte la liste des recettes, puis après ça, faire un palmarès à la fin, ça. Ah, faudrait. Mais pour vrai, ça, c'est mais vraiment, vraiment bon, mais tellement, tellement facile. Mm. Je veux dire, tu peux le faire toi-même, là. Je veux dire, t'es capable de faire chauffer du beurre puis de la cassonade dans un chaudron, puis mettre ça dans le four. Même c'est tout moi? Ou même toi, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est super facile et tellement délicieux. Bon. Je pense que j'ai fini de me lécher les doigts. Ça va être le moment de faire... non, parce que là, à un moment donné, il faut faire les trucs et astuces, hein, c'est ça? Ben oui, on est rendu là. On est dans le bon bout de la toune? Je sais pas, il me semble que c'était 36, 3-36. Ouais, mais je pense qu'on va plus y aller avec, genre... on va. Ah, oh, attends, s'arrêter là. OK, je recule. OK. OK, non. Non, plus avant ça. C'est même pas là. C'était là. Trucs et astuces, trucs et c'est pas astuces, là! Trucs et astuces... Mais non, pas tout. On va-tu n'importe où, mettons-le? Je te dis, c'est à 3.36. 3.36. Ça existe-tu, ça, 3.36? Pas sûr que ça existe. 3, attends un peu. On va s'essayer. Ici, OK. Truqué, astuce, truqué, astuce, truqué, astuce. Truqué, astuce, même pas ça. C'est plate, c'est vraiment plate. Truqué, astuce! Bon, il va falloir qu'on s'en fasse une intro pour les trucs et astuces, Steph, parce que c'est un peu malaisant. On n'a pas le choix. C'est un petit peu malaisant pour l'auditeur moyen, genre. Trop? Non, c'est ce qui rend l'émission charmante, de ne pas savoir trop ce qu'on fait. Comment, habituez-vous. Donc, oui, c'est ça, ça fait juste 784 émissions, 784, là. Habituez-vous. Bon. Pourquoi les 13 autres chroniques, ça a marché, on est tombé dessus? Parce qu'on le faisait n'importe quand dans Toon. Non. Non? Non, non, non. Non, non, non, le hasard faisait bien les choses, je crois. En tout cas, donc truc et astuce. Truc et astuce. On commence avec le café. Ah, donc, pour garder la saveur du café moulu, mais idéalement, il faudrait le conserver au réfrigérateur dans un contenant fermé hermétiquement. Ah oui. Et au congélateur, ça sert à rien. Frigo, c'est suffisant. Mais à moins que vous ayez pas de place dans le frigo puis la place dans le congélateur, ça va, mais tant que c'est au frais. Ils vendent aussi des pots à café. J'en ai un à la maison, un pot de café qui laisse sortir certaines affaires parce que bon, je comprends pas trop le principe scientifique derrière ça, mais dans le café. C'est exactement là, t'as raison. Mais oui. C'était combien de temps ça? 35, 45. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, un pot. Tu mets le café dedans. Ça dit que tu peux le laisser sur le comptoir, mais ça laisse échapper les gaz ou les trucs qu'il y a dans le café ou peu importe. Comme ça, c'est vendu exprès pour le café, c'est fait pour ça. Mais si t'as pas ces pots-là spécifiquement pour ça, le mettre dans un plat hermétique dans le frigidaire, c'est la prochaine affaire à faire. C'est ce qu'on dit. Ça me semble quand même étrange ton pot. Mais ça, ça existe, Ben, j'aimerais ça comprendre. Coffee pot. Ah, c'est une affaire de gaz. Coffee pot. Ensuite, on reste dans quand même le même domaine avec la cafetière. Donc, si vous rangez, par exemple, votre cafetière ou votre théière pour un moment, mettez à l'intérieur un morceau de sucre. Ça va éviter d'avoir des odeurs quand vous voudrez les réutiliser. Ah ben! Ah, c'est intéressant! Ben oui! Ensuite, on parle de gâteau. Donc, si tu veux faire tenir des fruits confits ou des raisins dans un gâteau, des raisins secs, idéalement, on va les fariner avant, OK? Et... faudrait pas trop travailler le sucre et le beurre ensemble avant d'ajouter la farine. Mais sinon, la pâte va être trop liquide, puis les raisins vont tomber automatiquement au fond. Mais si on les farine et qu'on ne travaille pas trop le sucre et le beurre, eh bien, ça va rester étendu dans toute la pâte. Ah. Parce que idéalement, quand on veut manger du gâteau aux fruits, mais on ne veut pas que ça soit tout dans le fond. Mm-hmm. Ensuite, on parle de chocolat, parce qu'on aime ça, le chocolat. Donc, lorsque vous devez ajouter du chocolat fondu dans un dessert, prenez la précaution de faire fondre très lentement au bain-marie. Comme ça, il va conserver tout son arôme. Donc, si tu mets ça 40 secondes au micro-ondes, là, puis ça commence à faire des bulles, ton chocolat va être vraiment caca dégueu. Donc, idéal. C'est un terme professionnel utilisé en cuisine. Oui, caca dégueu. C'est caca chocolat. On t'a parlé de Gordon Ramsay, là, ah, well, that's caca dégueu. C'est de là que ça vient. Oui, exactement. Caca dégueu. Mais il est très drôle quand il dit millefeuille. C'est plus que millefeuille. Millefeuille! Ah, moi, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment drôle. L'aluminium foil. Ouais, c'est ça. Exactement. T'as vu le vidéoclip de Weird Al Yankovic? Ben oui, mais oui. With aluminium foil. Ben oui. Foil. Okay. Ben oui. Inside. Donc, c'est ça. Donc, sinon, si j'ai pas la patience de faire un bain-marie, tu peux l'envoyer au micro-ondes, mais moi, je l'envoie à défrost. OK. Puis tu y vas, tu sais, à coup de 10 secondes, tu mélanges un peu. Donc, ça va être beaucoup moins puissant que si tu t'envoies à 100% là, pendant 40 secondes, là, puis ça va exploser. Mm-hmm. Ensuite, on parle d'agrumes, de citron plus précisément. Donc, pour qu'un citron entamé se conserve frais, tu vas le poser dans une soucoupe. Tu vas le poser dans une soucoupe. Clic, clic. Avec ton iPhone, tu mets dans une soucoupe et tu prends en photo. C'est ça le conseil. Donc, tu vas le poser dans une soucoupe, le côté entamé à l'air, et tu vas le recouvrir d'un verre. Et comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser plusieurs jours après. Je sais pas pourquoi, un mais verre de ça terre. Ok, non, c'est pas drôle. Mais non, come on, arrête, là, come on, c'est pas drôle. Je veux dire, t'as des limites avec mon gars, là. Ben oui, mais là. Tu sais, je veux dire, tu sais pas que t'es pas bon en cuisine, là. Tu m'as dit ma collègue sera pas longue, fait que je la remplis de mauvaises blagues, tu sais. Genre, c'est ça que je fais. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, Mathieu? C'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut le remplir. Tu rempliras après, pas pendant. OK. OK? OK. Et finalement, j'en ai un autre hein, pour le citron. Donc, pour éviter que les fruits fraîchement pelés, ben, les pommes, les pêches, les pois, par exemple, ça va changer de couleur à sa noircie. Donc, on va les arroser de quelques gouttes de jus de citron tout de suite. Ah, ou les bananes aussi, parce qu'on n'aime pas ça quand c'est brun caca. Non, une banane molle et brune. C'est ça. On aime ça quand c'est une banane molle et chaude, ouais. Mais pas molle et brune. Voilà. Citron, Geneviève, t'as bien fait ça. Comme Bibi disait ça, citron. Non, c'est le contraire, ben c'est ouais. Geneviève qui disait ça. C'est Geneviève Bibi. Qui disait citron. C'est ça, je sais pas trop. Franchement. Hey, c'est tout. Tellement newbie, tellement pas connaisseur de ces affaires-là. Mais on te remercie pour Master Steph, on te remercie pour les trucs et astuces, on te remercie pour tout ce que tu fais. Tout! Hein? Tout! Tout! Ben, pas tout, tout, mais tout. OK. La plupart de tout, tout. OK. C'est bon. Master Steph, c'était la dernière truc de la série. Truc et astuces! Truc et astuces! Truc et astuces! Et après qu'on fait longtemps. Donc, Master Steph, c'est on fait l'émission les mercredis qu'on faisait ça là. La saison prochaine, on verra bien où ça donne à être les chroniqueurs parce qu'à un moment donné, nous, on remplit les slots que les chroniqueurs apprennent pas. Hein? Non, moi, j'étais à mon mercredi. Pas sûr. On va voir. Hey! On va voir. Hey! Hey, oui, pas sûr. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. Et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Sur cette musique des années folles, eh bien, on va rencontrer Alex Dorval pour la dernière fois de 2014. Ben oui, on est triste demain, mais on va quand même se réchauffer et être heureux. Salut Alex! Salut, ça va? Ça va bien toi? Ah oui, super! Yes! Grosse journée! Ouais, quand même pas pire. Une belle journée qui s'annonce. Je suis au bar à soir au Talon Pint, vous passerez me voir pour le 5 à 7. Oh yeah! On va avoir une bonne soirée, un bon temps des fêtes. Puis aujourd'hui, je viens d'ailleurs vous présenter quelques-uns de nos produits. Que vous pourriez venir découvrir pendant le temps des fêtes au temps d'une pinte. Okay. Est-ce que c'est des trucs nouveaux, là? Il y en a une qui est relativement nouvelle, oui, c'est le Moment Parfait, qui est notre Pale Ale. OK. Donc, c'est notre bière blonde maison. Ce qu'on cherchait à faire avec le moment parfait, c'était une bière blonde qui allait, bien sûr, passer pour... mon oncle, ma tante qui fait la transition vers les bières de microbrasserie pour les personnes qui sont moins... moins habitués, qui sont plus dans les bières économiques. Donc, oh oui. Puis, mais en même temps, on voulait pas... pas une bière dénudée de saveur et de caractère quand même. Là. Vraiment pas. En fait, on avait commencé en brassant la Brindsey au Tannenpint, qui était notre Pilsner bohémienne. OK. Donc une bière qui prenait quand même 2 mois de fermentation et de garde. Donc, on s'est dit, ouais, on n'aurait peut-être pas le moyen de tout le temps attendre 2 mois avant de les sortir notre bière. Les cuves sont prises mais... pendant ce temps-là, là. Ouais, fait qu'on a transformé, c'est la même recette, okay. Mais on l'a fait en ale, donc une bière de 3 semaines et demie, okay. Plutôt qu'une bière de 2 mois. On a ici, pour ceux qui voudraient voir la différence, on va rebrasser des fois la Brindsey quand même, là, mais ça va devenir un brassin d'exception. OK. Donc, le moment parfait, ouais, je t'invite à... Ben oui, mais moi, c'est qu'on a fait notre party d'employés de C'est fou à votre place, au temps d'une pinte, au deuxième. Et puis, mon collègue Alain Lefebvre, justement, trip pas tant grosse bière et tout ça. Puis il l'a adoré, il a vraiment aimé. Ça a été exactement ce qu'il fallait, le moment parfait. Il l'a bien aimé, fait que ça, c'est cool. Tu sais, il traite pas les bières assez simples d'habitude, Alain. Et puis il a adoré ça, fait que je pense que vous avez bien misé, comme tu dis, avec une bière qui peut plaire à tout le monde, qui commence dans le domaine des micros, là, ou quelque chose du genre. Ouais, ben c'est souvent ça la porte d'entrée. Il y en a qui rentrent soit par une bière blonde de microbrasserie, qui se disent « Ah, ben c'est pas trop dérangé », ou il y en a que c'est carrément le contraire, ça prend un extrême pour comme les... Comme moi, c'est ça qui m'a décidé, ça me prenait un extrême, de quoi qui goûte pas du tout la bière que je connaissais, mettons. Ouais. Ben là, on a ici, nous autres, on a le moment parfait, donc notre pale ale, c'est une pale ale traditionnelle, donc une bière blonde qui va avoir des saveurs de pain légèrement mielleuse, vu qu'elle ale, plus, quand elle était lager, on avait vraiment plus le côté pain, puis une légère amertume herbacée. Là, on n'a pas trop d'amertume, en fait, c'est on en a probablement... Vraiment amère, cette bière-là, quand même. Non, c'est ça. C'est une bière blonde qui va... On met plus l'accent sur les maltes. En fait, on a le procédé de fabrication qui est le plus spécial dans cette bière-là, ce qui fait que c'est pas une bière de soif, nécessairement, même si ça le demeure une bière facile d'accès, oui. On a une bière où on a fait une double décoction. Donc, pour ceux qui connaissent la Pilsner Urquell, qui était... l'inspiration qu'on avait pour... Bouteille verte, ça, hein? Ouais, l'ancienne bouteille verte qu'il y avait à la sac, et malheureusement, elle n'avait plus d'importation. C'était la Pilsner originale. Okay. Notre pale ale ici est basé beaucoup sur cette recette. On a une double décoction. Ce que ça fait, la décoction, c'est que ça va chercher le plein potentiel du grain. Donc, on retire une partie du mou et de la céréale pendant qu'on fait notre brassin. Okay. Puis, on le fait chauffer, on y donne un coup de température plus élevé pour réduire les sucres, puis on le renvoie dans notre cuve. On épaissit le jus un peu. On épaissit le jus avec des sucres qui ne sont pas nécessairement fermentescibles. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher plus de saveur, puis on va conserver une bière à 5 %. Okay. Donc, quand je dis qu'on a des notes de céréales, de pain, c'est vraiment dû à cette méthode de fabrication-là. Au Tannenpint, on a un système de brassage à 3 cuves, plutôt que le système plus conventionnel à 2 cuves. C'était quelque chose qu'on voyait beaucoup justement en Allemagne au 19e siècle, le système à 3 cuves pour pouvoir faire de la décoction. Okay. Donc, c'est vraiment notre trademark qu'on apporte à certaines de nos bières qui nous permettent de faire de la décoction puis de la caramélisation. Okay. Comme notre Hatchet, qui est notre bière rousse, la caramélisation, c'est de retirer une partie du mou, donc tu as fait là sans céréales, puis de chauffer, donc de faire caraméliser. Le concentrer finalement un peu, là, c'est ça. C'est un petit peu la même chose, pour donner un parallèle, si on fait cuire une viande, par exemple, on va peser sur le... On va faire caraméliser les sucres. Oui. Donc, on va faire ressortir de la saveur. Puis on pourrait la faire façon... je pense que c'est la cuisson Pittsburgh, je pense. Ouais. Je me trompe pas. C'est où tu fais caraméliser le contour de ta pièce, mais tu fais pas cuire le l'intérieur, dedans. Là. Donc, c'est un petit... Puis t'es tout le temps en train de le tourner, là. Pour qu'il soit... Parce qu'avant, cuire un steak, fallait que tu le cuises d'un bord, t'attendais bien longtemps, puis tu le tournais... Et ça, c'est l'ancienne méthode. À ce temps, on le tourne tout le temps pour qu'il se ferme, comme tu dis, un peu, puis qu'à l'intérieur, ça garde les jus. Oui, exactement. C'est Gustavo Nobassa qui fait beaucoup de parallèles entre les réactions de Maillard qu'il y a dans la cuisson de viande. Ce qui donne le goût de bon de tout. Là. Exactement. Le doré, là. Excellent. OK, santé. Santé à toi. Donc, on remonte juste ça un petit peu. On pourrait se mettre une petite pièce musicale? Ben oui, moi, le moment parfait, le nom, bien sûr, le temps d'une pinte, on avait déjà une référence au temps, mais je cherchais à créer une bière avec une belle référence à un artiste que j'aime bien, c'est Les moments parfaits de Jean Leloup. Donc, on écoute ça tout de suite, en attendant, nous, on boit un peu. Restez là! Moments parfaits ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les armes sans que ce soit voulu, il reste un peu, un ou deux jours de plus, comme des chiens errants qui ont trouvé un toit, et pour la nuit ils dorment auprès des deux amants. Et les moments parfaits repartent au petit jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours. Moment parfait ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laisse tomber les larmes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Jean Leloup et les moments parfaits tirés de l'album Mille excuses, Milady. Excellente pièce. Et on est dans le segment bière, on est dans le segment Le temps d'une pinte avec Alex Dorval. Yes, Alex. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on boit là? On boit les moments parfaits, c'est ça? Oui, le moment parfait qui est notre pale ale traditionnel. Donc, saveur de céréales, de pain, douce, une légère amertume. Une légère amertume en fin de bouche un peu, là, ouais. Mais pas à l'attaque, je trouve, et pas en rentrant. C'est un petit peu, elle reste un petit peu. Parfait. Vous passerez nous voir dans le temps des fêtes. On a d'ailleurs, à partir de demain, on met en vente les billets pour notre banquet bistronomique du jour de l'an. Donc, notre party de la veille du jour de l'an. Au programme, tournoi de hockey bottine familial. Ensuite, session de jam traditionnelle avec un accordéoniste qui est Justin Bell, qui est un client qui vient souvent chez nous, qui est animé par Justin. Il va avoir d'autres musiciens. On a aussi donc un cocktail avec une bonne bière au beurre ou un cidre chaud. Oh. Et puis, c'est vraiment familial. Vous pouvez venir avec les enfants et tout. Il y a c'est 22$ plus taxes pour les enfants. Okay. Ça inclut le cocktail, le repas, dessert et breuvage. Et le 55$ par adulte ou 100$ pour deux adultes. Okay. Vous avez un banquet bistronomique. Donc, à l'entrée, on a un choix d'huîtres chaudes boucanées ou de empanadas aux pâtes de cochon. Au repas principal, soit une truite entière farcie ou encore un demi-canard fumé. Mm. Un trou normand. Donc, on est à faire passer ça. Puis, le temps d'un trou. Puis, puis une bûche pimpée au dessert. Donc, le temps d'une bûche pour terminer. Puis, on refait un petit jam traditionnel en soirée. Puis, on projette le bye-bye H2 sur l'écran géant au deuxième pour ceux qui s'intéressent De chiller relax en fin de soirée. Ouais, puis un petit cocktail sur la terrasse au début de la journée avec un tournoi de hockey bottine. Donc, génial, ça. Dès demain, les billets sont en vente au temps d'une pinte. Passez nous voir. Donc, ça vaut la peine. On va aller te voir, c'est sûr. Excellent. Puis tantôt, qu'est-ce qu'on a à boire ici? Là? C'est quoi que tu nous présentes? Ça ici, c'est le torréfacteur. Donc, il allait de soi en reprenant l'entreprise, le torréfacteur, la brûlerie de la brûlerie de Trois-Rivières. Ouais. On devait... Notre stout devait s'appeler le torréfacteur. C'était comme... pas le choix. On n'avait pas le choix, puis on en est très fiers. On a utilisé le café qu'on torréfie à la microbrasserie. Donc, c'est du café colombien noir qu'on a rajouté pour donner un punch. Étant donné que c'est un dry stout, on voulait donner plus de caractère asséchant à cette bière-là. Donc, plutôt que de couler des espressos ou de mettre des essences de café à la fin dans le fermenteur, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où on fait il appelle ça la recirculation, c'est que quand tu as été chercher tout le jus de ta céréale, il en reste encore. Donc, tu as créé un gros gâteau dans ta cuve, tu fais recirculer l'eau sur tes céréales, sur les dry, je sais pas, puis tu vas extraire le maximum de sucre. À ce moment-là, on a saupoudré notre café, le colombien, sur ce gâteau-là, puis on a recirculé les dry sur le café, donc on a été chercher plus de punch asséchant. Okay. Donc, on n'a pas une grosse saveur de sucre associée à des essences de café et tout. On a vraiment un dry stout irlandais, très asséchant, très sèche, très le fun à boire. Donc, il pousse à l'azote. Là. Je l'ai coulé du pub puis je l'ai emmené ici. Donc, l'effervescence va peut-être être... Je voudrais goûter un Black Velvet avec ça. On en fait... c'est excellent. Il me semble que ça serait parfait. Donc, à la tienne. À la tienne. Hmm. Oh! Petit côté quasiment fumé aussi. Ouais, ben, tabarouette. C'est pas supposé d'être très, très, très présent. T'es bon de l'avoir dénoté. Là. Il y a de quoi comme un 0.5, 0.2 ou 0.5% de malt fumé. Là, ça voulait donner encore une fois un caractère plus asséchant. Ouais, puis le petit côté justement brûlé de la torréfaction. Exact. Fait que c'est vraiment très, très réussi. Celle-là, je l'avais jamais goûté vraiment. Waouh! Ben, je te dirais, ça, c'est un de nos très grands vendeurs. Il y a plein de gens qui pensent que les bières noires, on aime ça ou on n'aime pas ça, mais les amateurs de stout, ils peuvent s'accrocher les pieds un peu dedans. Mm-hmm. Oh, oui, mais c'est vraiment ça. Les bières noires, c'est on aime ou on n'aime pas. C'est rare, ceux qui... peut-être une fois de temps en temps. C'est vraiment si t'aimes. Et puis, je pense que je fais partie de cette catégorie de gens. Vraiment, wow. Oui. Les dry stout, nous, on les accorde dans la cuisine avec, par exemple, tous les plats frits ou les plats fumés. Donc, ça coupe le gras un peu. Ça, c'est vraiment, ça fonctionne. Des stouts puis des porters avec nos arancini qui sont des boules de risotto frites, c'est vraiment écœurant. Sinon, il y a toujours la carte du stout et chocolat, donc avec le brownies au dessert. C'est vraiment une bière qu'il faut découvrir. Vraiment. Puis avec votre chose Scotch Egg aussi, me semble. Oui, avec le Scotch Egg. Ça serait parfait aussi. Parce que c'est quand même assez copieux là, comme gras, justement. Ouais. Mais vraiment, ça fitrait, ça coupe tout ça et puis ça nettoie un peu la bouche. Je vais en avoir une petite gorgée. Toi, Danny, moi, j'ai fait l'accord avec les moments parfaits. Y aurait-tu une toune qui t'inspirait le torréfacteur Dry Stout? Ben, tantôt, café? J'en ai sorti une, mais c'était pas une bonne idée, je pense. C'était couleur café, que j'aime ta couleur café. Je pense que ce serait pas une bonne idée, mais il faudrait que je découvre vite. Non, pas vraiment. Je suis trop à brûle pour point de même. Une toune de... Moi, je suis sûr qu'il y a une toune Irish. Ah ouais, tiens, on va pourrait y aller faire l'affaire. Check bien ça, on va faire de quoi, là? Irish music, puis on se fait ça tout de suite, ça va être parfait. Ben, on c'est le temps des fêtes, on relaxe, on y va. Irish music, oh tiens, on en a un gros mix. On va se partir ça. Hey, Irish Tavern Music. Tiens, on écoute ça, puis on va aller boire un petit peu. On vous revient dans une couple de minutes. Restez là. Thank you. Irish Tavern Music. Vous êtes bien dans le segment du temps d'une pinte avec Alex Dorval et moi-même, Danny Janvier. Et puis, ben, hein, c'est faut animer une émission aussi. Faut pas juste boire de la bière puis s'amuser, parce que nous, on aurait pu boire comme ça. C'était facile. C'est enivrant, la musique irlandaise. Hein? Tout à fait. C'était facile. La petite ambiance était parfaite avec nos bières. Génial. Alex, qu'est-ce qui s'en vient pour le temps d'une pinte, côté bière, côté tout ce qui peut s'en venir? Pour les bières maison, on vient de sortir il y a une semaine et demie le gros marteau, notre vin d'or. Je pense que j'en avais parlé un petit peu. Excellente. Oui, t'es 40, d'un petit sucre candy, un sucre d'orge, des sucres résiduels, une bonne amertume quand même. C'est une bière, un sucre asséchant. Ouais, elle tombera pas sur le cœur. Non. On est, donc, on vend ça juste au vert, 8,8%, notre Winter Warmer, petite bière de Noël. Bière de Noël, exact, c'est ce que j'allais dire. En quantité quand même limitée pour ceux qui veulent goûter. Je pense que ça va être notre seul brassin de gros marteau pour l'hiver. Sinon, ça va aller à l'hiver prochain. Donc, on se dépêche à soir 5 à 7, là, on boit du gros marteau. Absolument. Sinon, on a la Houde de Char qui sort bientôt. Une version plus jeune de la Houde brune qu'on a fait la vieille forge. Donc, on a pris une quantité de ce brassin-là qui est terminé de fermenter. On l'a envoyé en garde. On va attendre un bon bout de temps avant de la sortir. Vous le faites vieillir comme là. Oui, puis ça va devenir la vieille forge. Par contre, on a une partie de ce moule-là qui est prêt de cette bière-là, puis on la sort comme une petite brune sour, la Houde de Char. Puis on a des bières aussi de d'autres microbrasseries qui sont rentrées, bières de spécialité qui vont tomber en vente bientôt. On a le porter à la brette de l'affût, donc porter vieilli en barrique. Ah oui, vieilli en barrique à Saint-Tite. Oui, ils font ça. Ils ont bien des petites cachettes de même dans leur pub. Il y a aussi la Porter Coco Chipotle de Dunham. Donc, un bon porter avec noix de coco et piment chipotle. Assez particulier, celle-là. C'est vraiment hot. Tu as goûté, toi? Oui, j'ai goûté. Puis c'est quoi? Ben, c'est le petit sucre de noix de coco qui vient donner de la rondeur, puis le punch de chaleur du chipotle. Là, wow. C'est vraiment bon. On a aussi la Vladimir de Dunham aussi, qui est un brassin limité, donc un Imperial Stout Sour. Oui. Puis on a... Tu m'as vraiment fait découvrir les Sour, hein, en passant. Là, à cette heure, quand j'arrive dans une place, je fais la petite mode des bières surettes un peu, là. Et puis c'est super bon. Moi, j'aime ça. Il y a des gens qui, je fais goûter ça, ils pognent de quoi. Ils s'attendent pas à ce goût-là. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, ce côté hyper rafraîchissant-là. J'aime mieux le côté sour même que le côté, moi, IPA amer, personnellement. Je trouve que ça fit plus avec mes goûts à moi. Merci à toi. C'est un hybride IPA sour, là, les wild IPA. C'est carré aussi. Mm-hmm. On a sinon la Hibernus qu'on a bu la semaine dernière de Charlevoix. Puis on a la Buteuse Brassin spéciale qui est rentrée du Trou du Diable. OK, ça, c'est en bouteille, celui-là? On l'a en bouteille, oui. 750 millilitres, c'est des produits qui vont être en vente là, dans les jours à venir. Donc, avec des amis, là, c'est bien le fun de se prendre ces belles bouteilles-là. Absolument. Fait que passez nous voir. On a toujours toutes nos bières aussi sur le menu. On a un 5 à 7 ce soir. N'oubliez pas de vous procurer vos billets. Ils sont en quantité limitée pour le banquet bistronomique de la partie du jour de l'an. Puis allez rencontrer Alex, super sympathique. Vraiment un gars qui aime son produit, puis ça se goûte. Good. Merci, on va se laisser sur la fin de notre mix. Excellent. C'est bon, ça? Oui. Et puis après, nous, on va aller en pause publicitaire, puis les choses poursuivent après, là, vers la pub. Fait que restez là. Alex, merci, on te revoit au temps d'une pinte. À la pinte. Yes, bonne année à toi, bonne toi joyeux aussi. Noël. Et puis on se revoit après les fêtes. Tout le reste.

faut réussir à ouvrir l'emballage. Il est supposé avoir de la petite poudre là, pour l'empêcher de coller, là. C'est un échec. Oh! Ça sent-tu le jajamba? Ça sent sucré? Bon, Laurent l'a déjà dans la bouche. Mmh. Hey, crément, il attend-tu, lui, hein? Il attend la galanterie, qu'on appelle, hein? Je suis pas capable de... Je mange pas. Il est juste là dans ma bouche. Je mange pas. Ah, c'est intéressant comme texture. C'est un chewy agréable. Chewy. Comme goût, c'est où? C'est vraiment gingembre. C'est très, très gingembre. Des fois, t'as une petite larme de gingembre qui te coule. Le goût, c'est vraiment bon. C'est bon, ça, hein? Le petit côté piquant. Mais c'est ça, c'est très, très, très fort en bouche, là, puis c'est vraiment piquant. Là, ça, je dis, des fois, t'as une petite larme, là, ou ça te pogne dans la gorge, là, mais c'est une sensation que je trouve très agréable. C'est astringent. C'est astringent. Et c'est disponible. Moi, j'achète ça à je sais pas c'est quoi le nom exact, là, la bonbonnière. C'est Sweet Factory. Ouais, ça s'appelle encore comme ça, ouais. Sweet Factory. Ouais, ouais. Donc, moi, j'achète ça là. Qui était avant la bonbonnière, qui est devenue la confiserie Sweet Factory, je crois que c'est ça. Ok, quelque chose de même. C'est bon. Ça fait un drôle de bruit quand on mâche, hein? Non, mais c'est parce que c'est beaucoup plus... Juteux. Chewy. Mâchouillant. C'est vraiment plus... C'est quand même gélatineux, là. Je veux dire, épais. Oui. C'est quand même épais, là. C'est pas comme un petit gummy bear, là. Mais moi, je trouve ça délicieux, mais tout comme la bière au beurre, au caramel... On passerait pas à travers la boîte en une seule journée. Non, non, c'est ça. Tu es malade. Est-ce que tu chopperais le bonbon en deux pour qu'il soit un petit peu moins présent? Ah, ben non, pas du tout. On aime ça que ça soit comme pow! C'est comme une grosse claque dans la face. On est des radicaux, nous autres. Ah ouais? Ouais. Eh ben. Ouais, moi, je suis pas radicaux. Ça, c'est paradis. Un super paradis. Ah, elle est bonne! Ok, je la trouvais wesh, mais finalement, elle est super bonne. Ah, t'as même pas compris. Non. Un sporadico. Sporadico. Sporadico. Sporadic and Company. Je suis un radical libre, c'est différent. Ah ouais? Un radical libre, ça, c'est en chimie, ça. High five! Yeah! On l'a pas entendu. Steph, on la comprend pas, ça? On la comprend-tu, ça? Je sais pas, j'ai même pas fait ma chimie secondaire 5. Ouais, c'est ça. C'est comme ce qui moi, je faisais du théâtre, de l'informatique. Quand tu respectes l'exogène, radical libre, c'est ça, puis... Mm-hmm. Ouais. Elle se décrotait les dents. Tu fais une chronique là-dessus à un moment donné. Ils sont en train de décroter les dents. Arrête de me renfoncer dans la bouche. Moi, je suis très chouille. Ok. Bon, ben, on peut passer à d'autres choses. Passons à autre chose. On fait une grosse pointe en dresse chaque semaine à Assemblage Requis. Ça va recommencer en 2015, bien sûr. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle de Barack Obama qui raconte avoir été pris par erreur pour un serveur ainsi que pour un valet de parking. Barack et Michelle Obama ont confié dans un entretien au magazine américain leur propre expérience avec le racisme. Le président américain révélant notamment avoir été confondu avec un serveur lors d'une soirée de gala. J'ai cette histoire où, même en tant que première dame, pendant un déplacement très médiatisé dans un supermarché Target, sans être camouflé où la seule personne qui est venue vers moi dans le magasin a été une femme qui a demandé mon aide pour lui attraper quelque chose sur une étagère, c'est ce qu'a raconté Michelle Obama au magazine People. Cet incident au sein de la communauté noire font partie de la vie quotidienne, a-t-elle révélé. De son côté, Barack Obama a indiqué qu'il avait été plusieurs fois pris pour un valet de parking ou même un serveur. Il n'y a pas un homme noir de mon âge qui attende sa voiture à la sortie d'un restaurant qui n'a pas eu quelqu'un qui lui a tendu ses clés, a-t-il expliqué, confiant que cela lui était arrivé personnellement. Et Michelle Obama d'ajouter, il portait un smoking à un dîner très chic et quelqu'un lui a demandé d'aller lui chercher un café. Cet entretien tombe au moment où les tensions raciales ont été ravivées aux États-Unis par plusieurs affaires récentes dans lesquelles des Noirs non armés ont été tués par des policiers blancs. Vraiment, c'est atroce ce qui se passe en ce moment du côté racial aux États-Unis. Des milliers de personnes ont manifesté parfois violemment dans le pays contre les violences policières et ils ont bien fait. Les petites irritations ou les expériences humiliantes que nous subissons ne sont rien par rapport à ce que la génération précédente a subi, a quand même tempéré M. Obama. C'est une chose que l'on me prenne par erreur pour un serveur à un gala. C'est une autre chose que mon fils soit pris pour un voleur et soit menotté ou pire s'il marche dans la rue habillé comme les adolescents s'habillent, a-t-il ajouté. Le couple présidentiel a indiqué avoir abordé la question du racisme avec leurs filles Sacha et Malia depuis leur plus jeune âge. Ce que nous avons essayé d'expliquer, c'est que l'histoire, ça ne va pas toujours aussi vite que ce que l'on aimerait et qu'il y a des vestiges de l'esclavage et de Jim Crow. Les lois des ségrégations raciales abolies en 1964, a poursuivi M. Obama, et même si les choses sont extrêmement mieux, ces préjugés existent toujours. Ça fait dur aux États-Unis, sérieusement. Il y a vraiment un genre de suprématie blanche. Ben c'est surtout au niveau des autorités policières, je trouve, le problème, parce que c'est tout le temps là. On donne du pouvoir à des imbéciles et qui ont la gâchette plus facile que les neurones. Mais bon, on va rester justement dans le domaine des Américains hein, qui listent les phrases les plus stupides de leur homme politique. Quelle est la phrase la plus stupide jamais prononcée par un politicien américain? Eh bien, cette question posée par un utilisateur de Reddit jeudi dernier, aujourd'hui même, a suscité l'engouement des internautes qui s'en sont donnés à cœur joie en échangeant et en commentant les perles de leur représentant politique. Tout juste 8 heures après sa publication, la question avait déjà reçu plus de 5000 réponses. Sans surprise, George W. Bush, connu pour son sens de la formule involontaire et souvent très naïve, n'est pas épargné. Le prédécesseur de Barack Obama est notamment cité pour avoir lancé « Nos ennemis sont malins et pleins de ressources, et nous le sommes aussi. Ils ne cessent de penser à des nouvelles façons de faire du mal à notre pays et à notre peuple, et ce n'est pas ce que nous faisons. » OK. Une histoire de famille, puisque son père se distingue lui aussi, notamment avec ce trait d'esprit qui aurait tout à fait eu sa place dans le palmarès du prix de l'humour politique. « J'ai mes propres opinions, des opinions fortes, mais je ne suis pas toujours en accord avec elles. » Hein? Elle dit ça. Il a dit ça, le père. En revanche, le locataire actuel de la Maison-Blanche, pourtant pas avare en bons mots, n'a manifestement pas inspiré les internautes. Pour la NASA, l'espace est une priorité, mais les Bush, père et fils, ne sont pas les seuls visés. La républicaine Sarah Palin ou l'égérie du Tea Party, Michelle Bachmann, se retrouvant également en bonne place. La première est épinglée pour ses nombreuses gaffes, notamment au sein de la proximité entre la Russie et l'Alaska, dont elle était gouverneur, tandis que la seconde s'est moquée pour avoir confondu l'acteur John Wayne avec John Wayne Gacy, le clown tueur en série. Une bourde assez majeure aux États-Unis, hein? Sans oublier l'ancien vice-président Dan Quayle, auteur de nombreuses phrases cultes. Un mot résume probablement la responsabilité de tout vice-président, et ce mot est « être bien préparé ». Mais moi, j'appelle ça 3 mots. Pour la NASA, l'espace est une priorité. J'ai fait preuve de bon sens dans le passé et je crois que je fais preuve de bon sens dans le futur. Ou encore, nous allons avoir les Américains les plus éduqués du monde. OK. Le numéro de bravoure de Newt Gingrich, candidat à la primaire républicaine de 2012, ne passe pas non plus inaperçu. Les femmes ont des problèmes biologiques qui les empêchent de rester 30 jours dans une tranchée parce qu'elles attrapent des infections et n'ont pas la force dans le haut du corps. Enfin, certaines en ont, mais elles sont relativement rares. Mais les hommes sont des petits porcelets. Vous les mettez dans une tranchée et ils se roulent dedans. C'était toute une citation de ce monsieur. Bravo à vous. Et ça, c'est sans rappeler, hein, nous aussi, on a des politiciens assez extraordinaires. Jean Chrétien en était un assez solide. Et là, le dernier en titre, c'est le fameux maire de... Le maire de Louisville, hein, ses déclarations sont hallucinantes à ce maire de Louisville. Vous irez voir ça, c'est vraiment très, très drôle. Tout le monde en parle en ce moment de Yvon Dehay. Hein, je pense que c'est ça qui veut rétablir la peine de mort. En tout cas, moi, sur certains points, je suis pas du tout d'accord avec cet homme-là. Mais bon, il y a certains politiciens qui... mais en tout cas, on parlera pas de ça. C'est vraiment de la niaiserie que je vous dis là. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont le tour de se mettre le pied dans la bouche dans le domaine politique, surtout. Et puis, on sait surtout que ce qui est le pire pour eux, c'est que leurs paroles sont toujours bien, bien citées et bien... tu sais, les journalistes n'en manquent pas une. Alors peut-être faire attention à ce que vous dites, messieurs les politiciens, et surtout à ce que vous faites. Hein? Le tour du monde gratuit, il a enfin retrouvé. Non, il a enfin trouvé une nouvelle Elisabeth. Hein? D'après d'intenses recherches sur les réseaux sociaux, Jordan Aksanis, de 28 ans, a enfin trouvé la perle rare, une jeune fille qui s'appelle comme son ex et qui peut donc partir avec lui pour un tour du monde gratuit. Eh bien oui, il a enfin trouvé son Elisabeth Gallagher il y a un mois. Un Canadien avait diffusé un appel à la candidature sur les réseaux sociaux pour faire un tour du monde avec lui, gratuitement. Seule condition, et pas des moindres, s'appeler Elisabeth Gallagher et posséder un passeport canadien. Les raisons de ce drôle d'avis de recherche, c'est que Jordan Aksanis, 28 ans, vient de se séparer de sa petite amie qui était nommée Elisabeth Gallagher, alors que le jeune couple s'apprêtait à faire le tour du monde avec des billets nominatifs. Eh bien, du coup, pour ne pas les perdre et pour faire une bonne action, Jordan Aksani, et peut-être rencontrer l'âme sœur, avait décidé de faire partager son voyage gratuitement à une autre personne. Son message a circulé en long et en large sur les réseaux sociaux, et bingo, une Elisabeth Gallagher s'est manifestée. Âgée de 23 ans, elle a envoyé la photo de son passeport avec ce message « Amène-moi ». La jeune fille, habitant la Nouvelle-Écosse et passionnée par les voyages et l'action humanitaire, a conversé quelques heures avec Jordan sur Internet et le Canadien conquis l'a choisi parmi des milliers de demandes venant du monde entier. Les deux voyageurs devraient partir de New York dimanche le 21 décembre pour visiter notamment Milan, Paris, Vienne, Prague, Bangkok, Delhi et Agra, ayant un retour prévu à Toronto le 12 janvier prochain. Selon le Journal de Montréal, les deux Globetrotters devraient partager cette expérience en tout bien, à tout honneur, d'autant que la jeune fille n'est pas célibataire et que son compagnon s'avoue déjà un peu jaloux. Oh, quand même, hein? Il a enfin trouvé sa Elisabeth. Et puis si on regarde l'image, il y avait, attends un petit peu, Elisabeth Gallagher et c'est Elisabeth Quinn Gallagher. Mais en tout cas, il a trouvé la fille pour faire le truc, une superbe, jolie jeune femme. Mais c'est ça, il faut faire attention parce que le copain est un peu déjà jaloux. Et on peut le comprendre quand même, hein, quand ta blonde s'en va faire le tour du monde avec un inconnu comme ça, bing bang. Quand même, hein, on peut comprendre le jeune homme. Ici, je vous montre en vidéo, voilà ce que ça fait de marcher sur de la lave. C'est le Kilauea, oui, qui est un des volcans les plus imposants du monde, qui est situé sur le plus grand archipel de l'île de Hawaï. Ses coulées de lave menacent aujourd'hui d'atteindre un centre commercial et une station d'essence. Oh, de la lave qui arrive sur une station d'essence, c'est peut-être pas l'idéal. À l'occasion, le Huffington Post américain ressort une impressionnante vidéo filmée sur ce volcan. Lors d'une expédition, le scientifique Alex Rivet filme son guide en train de marcher sur de la lave en fusion. Si la vidéo date déjà de 2010, elle n'a été mise en ligne sur YouTube que récemment, le 11 décembre dernier. Le résultat est surprenant. Bien sûr, la semelle prend en feu seulement en un court instant, heureusement, mais rien à voir avec celle des films où un malheureux se noie dans un lac de lave. Non, Peter Jackson, cette scène où Gollum coule dans la lave en fusion de la montagne du destin n'est pas possible, et ça en raison de la densité et de la viscosité, c'est-à-dire de la résistance à l'écoulement de la lave. Autrement dit, elle est plus importante que celle de l'eau, explique Eric Clementi sur son blog Eruption de Warred, auquel renvoie Alex Rivet. Si vous marchiez sur de la lave en fusion, vous vous enfonceriez un petit peu, mais vous seriez très vite brûlé, explique Alex Rivet sous sa vidéo. La lave que projette le volcan Kilauea, eh bien, sort à une température de entre 700 et 1200 degrés. On comprend mieux pourquoi le gérant de la station d'essence menacée prévoit de vider ses réservoirs d'essence et de les remplacer par des immenses cuves d'eau. Et bonne chance à vous en Hawaï. Mais tu sais, hein, passer Noël à Hawaï, c'est génial. Je me suis levé avec ça. Moi, je me suis mis un petit vinyle pour faire rire la maisonnée ce matin. C'était Noël hawaïen. Et puis, j'ai été vraiment surpris. Très, très bon album de Noël. En plus, il est instrumental à découvrir dans les bacs. Vous allez trouver ça pour 50 sous. Japon, un siège de Boeing 747 pour se consoler de la disparition des cieux de cet avion mythique. Hein? C'est la compagnie japonaise HANA qui va proposer aux nostalgiques du Boeing 747 retiré des vols intérieurs en début d'année pour racheter pour près de 5 000 € un fauteuil de cet appareil très populaire au Japon. Moyennant, entre 4 000 et 5 000 €, les passionnés du premier jumbo jet de l'histoire pourront acquérir en ligne à partir du 25 décembre, donc à Noël, un ou deux fauteuils des appareils mis au rencard par la compagnie japonaise. Il ne s'agit pas de sièges durs et étroits de la classe économique, mais plutôt des grands modèles larges et confortables de la classe premium, dans lesquels il est vraiment possible de se prélasser pour vrai. C'est ce qu'assure un porte-parole de ANA, une des compagnies qui ont le plus exploité le 747 entrant en service en 1970. Tout le câblage électrique a été retiré des fauteuils mis en vente et leurs pieds adaptés pour qu'ils puissent être posés sur le sol et non nécessairement y être fixés. Hein, c'est clair. La mise en vente en ligne... Eh bien, débutera le 25 décembre et durera jusqu'à février. La livraison des fauteuils est prévue en mars. ANA avait déjà vendu 6 sièges de classe supérieure de Boeing 747 en 2009 pour un prix unitaire de 3 400 €. Le 747 est un appareil mythique dans l'archipel nippon où il était notamment utilisé sur des lignes intérieures avec une configuration de 569 places. C'était un symbole du transport de masse selon ANA, mais aussi celui de l'évasion à l'étranger dans les années 70-80 durant lesquelles les groupes de touristes japonais découvraient enfin le monde. Le dernier exemplaire de 747 en service dans les compagnies japonaises pour des vols commerciaux a été retiré en mars dernier. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Et restons toujours au Japon. Eh bien, savez-vous, la pire nouvelle de l'année, le Japon est touché par une pénurie de frites. Eh bien oui, les Japonais en ont gros sur la patate. À cause de ce mouvement social, une célèbre chaîne de fast-food est obligée de se rationner en frites. Et on la connaît, cette célèbre chaîne de fast-food. Hein? Donc, le Japon est plongé dans une pleine crise économique de la pomme de terre. Depuis quelques jours, le géant des fast-food, McDonald's, rationne ses frites dans ses restaurants. Impossible alors de commander une grande frite désormais dans l'archipel. Chaque menu s'accompagne simplement d'une petite barquette. Si les Japonais n'ont plus la frite, c'est un drôle d'effet papillon qui en est la cause. C'est en effet un mouvement social dans les ports américains qui est à l'origine de cette pénurie. Un défaut d'approvisionnement en frites qui fragilise d'abord... Et encore davantage la filiale japonaise de la chaîne de fast-food. Plus tôt cette année, McDo a déjà été privé de viande de poulet à la suite de manquements sanitaires d'une usine chinoise. Mais on sait quand même pas pourquoi il manque de patates, là. Pourtant, des patates, il y en a sur la planète, là. Je pense pas qu'on est en ration de patates sur la petite boule, là. Mais bon. Ici, par peur de représailles, eh bien, Sony annule la sortie du film The Interview. Ben oui. Sony Pictures a annoncé mercredi qu'il renonçait à sortir aux États-Unis son film Interview qui tue, l'interview qui tue, pardon, The Interview en version originale, après les menaces brandies par les pirates informatiques qui ont dérobé de nombreuses informations à ce studio poids lourd d'Hollywood. Et on le sait, on a hacké Sony, on a volé des parties de scénario du prochain James Bond et plein de trucs, là. Et on dit que ça devrait être les Coréens, les Nord-Coréens, qui sont derrière ce coup. Hein, le film, justement, est une parodie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui devait sortir le jour de Noël. Au regard de la décision prise par une majorité de cinéma de ne pas présenter le film « L'interview qui tue », nous avons décidé de ne pas le sortir en salle, a indiqué Sony dans un communiqué. S'il n'est pas encore dit de ce qu'il adviendra dans les sorties internationales, l'une des plus grandes chaînes de cinéma au Canada a décidé, eux aussi, de reporter la projection du film. C'est le groupe Cineplex qui a évoqué la sécurité des cinéphiles après les menaces à leur encontre aux États-Unis. Le porte-parole n'a pas précisé si le film sortirait plus tard ou non. Donc, ça se pourrait que le film sorte jamais à cause de conneries ou peut-être sortirait, mais en DVD, en vidéo. Cineplex prend au sérieux ses engagements à l'égard de la liberté d'expression artistique, mais nous tenons à rappeler à nos clients et à notre personnel que leur sécurité est davantage notre priorité. C'est ce qu'a annoncé Cineplex dans un communiqué. Le groupe exploite 1643 écrans dans plus de 161 multiplexes cinématographiques au Canada. Les pirates informatiques qui ont attaqué les producteurs Sony et ont rendu public de milliers de courriels avec parfois des commentaires peu amers pour les stars. Et des informations confidentielles sur les contrats. Ils ont aussi promis des représailles contre les cinéphiles. Eh bien oui, c'est une histoire à suivre. Et on se fait ça aussi. L'Avent, vous savez, l'Avent, on était dans la période de l'Avent. Ben oui, la plupart des gens savent plus c'est quoi l'Avent. C'était les quatre dimanches avant la fête de Noël, avant l'avènement de la naissance du Christ. Eh bien, l'Avent 20 Minutes, J7, une sextape version IRM. Donc, qui a dit qu'une IRM n'était pas sexy? Une IRM, c'est une résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique. Donc, une vidéo postée sur YouTube en septembre a prouvé le contraire en révélant, grâce à une imagerie à résonance magnétique, ce qui se passe durant un French kiss. On peut ici y voir les mouvements de la langue et les battements d'excitation du cœur associés à un baiser langoureux. En prime, le court film donnait à revoir une IRM réalisée par un médecin néerlandais dans les années 60 d'un accouplement en position du missionnaire, ainsi que des images de jumeaux dans leur ventre, de leur mère et de la naissance en direct d'un bébé. Sexy l'IRM, mais aussi très émouvante et assez rare pour en faire partie des vidéos les plus visionnées sur 20 Minutes en 2014. Vraiment génial. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que l'IRM peut être nocive. Hein? C'est quand même c'est comme du rayon X. Je pense pas que ce soit l'idéal de faire une naissance devant ça, mais bon, c'est pour la science. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.